tant que ce n'est pas là, tout mon vécu peut tout pardonner. Tant que dans mon cœur, je ne sens pas l'approbation du Seigneur, il y a comme un soupir ardent qui me porte à dire, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je te supplie de me dépouiller de tout ce qui fait obstacle à ma communion parfaite avec toi. Quand tel état d'esprit nous animait, je disais tout à l'heure que l'ennemi ne nous amènera même pas qu'on y parvienne. Pourtant, il faut bien que ça se réalise. C'était sorte que marchant même dans la rue, à la place des belles constructions qu'on voit, de toutes les manifestations de la technologie, que ce soit au niveau des voitures, téléphones, ou tout, quand on est gardé comme dans la rue, à la place de ce que nos yeux ont tendance à voir et à commencer à admirer, ou avoir quelques pensées, quelques énergies que ce soit, on est plutôt habité par une pensée profonde qui nous amène à soupirer, à être restauré dans notre communion réelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Si on a ce fardeau-là dans le cœur, un frère nous fait un acte de déplacement, un acte de déplacement en nous. Notre manière d'interpréter ça ou bien de réagir va changer. Si notre cœur est porté à être restauré dans nous, dans des réels communions le Seigneur, comme ce qui nous a fait bien à la foi, et si on décide que ce soit authentique, si notre cœur est porté dans cette langue-là, on aura assez de force nécessaire pour minimiser le mal. On pourra facilement obéir au commandement que le Seigneur donne dans Matthieu chapitre 5, verset 44. À 45 ans, il peut dire, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Maintenant, le cantique de mon Dieu s'en va au champ de l'histoire. Nous sommes à la page. Mais au matin, dans un ciel sans nuage, semble annoncer. C'est dans son cœur que peut fonder l'orage, qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi, quand les bruits de la terre ont oublié le ciel de ses jours. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veillez le soir, quand se fait le silence, quand on vient faire du ton céleste à nous. Cherche avec soin ta divine présence, mais dans ton cœur tout ton souci. Veille au matin, veillez le soir, veillez. Veillez toujours, en tout et à toute heure, par l'ennemi qui guette à chaque instant. Vous séduisez dans la sainte demeure, où va régner le Tout-Puissant. Veillez au matin. Veillez le soir, veillez et priez toujours. matin. Veillez le soir, veillez et priez toujours. Le Saint-Esprit a poussé le fait de chaque année. À nous recommander de veiller à tout moment. Parce que nous sommes mis en temps. La parole au frère Elie, peut-être nous disons 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 18. Entre le commentaire, je voudrais aller de ça, inviter chacun à aller méditer profondément dans le verset de ce passage. Un Jean 2, verset 15 à 18. Par exemple, il y a très vite toute la place. Un Jean chapitre 2, verset 15. N'ayez point de monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père. Mais bien du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je te dis, petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris, quand l'Antichrist vient, il y a maintenant plusieurs Antichrist. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Amen. Ayant appris qu'il y a un antichrist qui vient, le Saint-Esprit dit qu'il y a maintenant plusieurs bien-aimés. Est-ce qu'il vient pour nous examiner à obéir au Seigneur? Est-ce qu'il vient pour fatiguer notre marche à notre communion avec le Seigneur Jésus-Christ? Lorsqu'il est tout le Saint-Esprit interprété cette parole dans notre cœur et qu'on comprenne vraiment ce pourquoi. C'est-à-dire que c'est une réaction en fait comme il faut vraiment chercher Dieu avec acharnement. Amen. Amen. Bonsoir. Que la grâce de notre Dieu et Père vous soit multipliée. Baissons la tête, prions. Père, nous te sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous donnes. Merci pour ton amour inflexible et immuable dans nos vies. Merci Père pour toutes tes grâces que tu nous accordes, au travers du soleil, au travers de la pluie, du bon temps, de notre sommeil, de l'air, de l'eau et de toutes tes bontés que tu as disposées en notre faveur. Merci Père de gloire pour le souffle, la respiration. Merci pour notre être, Père de gloire, que tu tiennes sous ta direction. Merci pour les choses qui nous arrivent dans nos vies. Merci malgré nos pensées rebelles à ta voix, tu es toujours avec nous. Tu nous diriges et tu nous conduis. Seigneur, tu es Dieu, il n'y en a point d'autre. Père, si tu ne nous conduis, nous allons nous égarer. Dès nous conduis dans le chemin de la vérité, dans le chemin, ô Dieu, que tu as décidé pour chacun de nous. Je soumets, ô Dieu, le gloire de nos pensées maintenant entre tes mains. Et pour tous ceux, ô Dieu, là, c'est les frères qui sont allés assister nos bien-aimés qui ont eu des moments, des difficultés dans ce deuil. Nous prions que tu prennes contrôle de leur propre vie au nom de Jésus. Et nous prions pour tous ceux qui nous écoutent partout dans le monde entier, que tu les bénisses et que tu les rends visibles également. Pour ceux qui sont alités, Père de gloire, je commande au nom de Jésus-Christ à tous ceux-là de se lever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie au Père de gloire que tu couvres de ta main droite puissante les vies de tous ceux qui étaient dans la souffrance. Donne-leur de l'espérance dans leur âme, qu'ils sachent que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et que ton nom seul soit glorifié dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis content d'être au milieu de vous. Moïse, ça va? Que Dieu vous bénisse. Amen. Avez-vous des questions? Je crois qu'il faudrait mieux. Comme il y a assez d'espace. Ne vous, voilà. Comme ça, vous soyez à l'aise, n'est-ce pas? Voilà. Mais vous aussi, vous n'êtes pas comme les sardines, comment? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes tiré. Quelqu'un s'assoit ici. Viens. S'assoit ici. Comme elle est venue avec sa soeur, là, elle s'assoit au même endroit. Viens. Viens, c'est ça. Ou bien vous voulez lire là-bas, n'est-ce pas? Viens, toi. Viens. Toi, viens. Assieds-toi ici. Voilà, comme ça, recule-toi maintenant. Où c'est? Il faut que vous soyez bien assis, n'est-ce pas? Ok, ça va vous? Bien même. Y a-t-il des questions? Ce téléphone-ci, c'est ok, hein? Okay. Oui, mon cher. S'il y a des téléphones qui sont allumés, éteignez, que le téléphone ne nous dérange pas. À l'instant où un téléphone sonne, je sors directement, je rentre. Et vous ne me verrez plus ici. Alors, je pose ta question, mon cher. Je dis bien, je recommence encore. Vérifiez qu'un téléphone ne sonne pas. Allons-y. Oui, frère, ma question consiste par rapport à la mort que tu as enseigné la dernière fois. Donc, tu as enseigné la mort. Non, on a parlé de la mort. Oh, tu enseignes la mort, j'aime. Tu as enseigné concernant la mort. Oh, n'allez pas dire que je dis aux gens de mourir ici, là. Oui, vas-y. Oui, c'est-à-dire que, bon, je voulais savoir par rapport à l'enfer. Oui. Si dans la Bible, quand on parle du séjour des morts, oui. Quand on parle de la GN, oui. Ou bien quand on parle aussi de l'état Adam de feu et de soufre, oui. Si le même, tous ces termes-là veulent dire enfer, ou la bien. La même chose. Ou bien ça, c'est une chose. Ok, c'est la seule question. Bon, il y a aussi la question de savoir, est-ce que, en fait, l'enfer a déjà existé? Est-ce que quand les personnes meurent, ils se rendent là-bas? Une fois. Voilà, bonne question. Je crois que pour compléter cela, ça sera bien. J'allume là. Oui. Lisons la Bible alors. Écoutez très attentivement. Chaque fois qu'il y a une question de la Bible, la réponse doit se trouver dans la Bible. D'accord. Ouvrons le livre de l'Apocalypse. Apocalypse. Vous y êtes. Prenons le chapitre 20. On va lire. Apocalypse, on va lire quelques 2, 3, 4 versets. En tout cas, si vous avez des questions, préparez vos questions. Dès que j'ai fini de répondre à sa question, j'avance sur notre territoire. Apocalypse, chapitre 20. Tout le monde y est. Apocalypse, c'est le dernier livre. Maintenant, regardez le verset 11 et suivant. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre des vies. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. Maintenant, écoutez très attentivement, verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Donc, dans la mer, il y a les morts. J'ai dit ça la dernière fois, n'est-ce pas? C'est ici qui parle de cela? Non. Bon, j'arrive là maintenant. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Donc, il y a les morts dans la mer. Il y a les morts dans la mort. Il y a les morts dans le séjour des morts. D'accord? Ok. Écoutez très attentivement. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Écoutez très attentivement. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. L'étang de feu. Vous y êtes là? Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est l'étang de feu qu'on appelle dans la Géhenne. C'est le lieu où on a détruit tout ça. Maintenant, allons-y dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Bon, gardez le doigt ici pour que j'explique ça, d'accord? Gardez le doigt ici, je vais expliquer. Ouvrez Matthieu, chapitre 10. Matthieu, chapitre 10. Que Dieu vous bénisse. Bon, puisqu'il est question de mort, le temps que vous en avez de prendre ceci, écoutez très attentivement. Priez pour les premiers ministres du Cameroun, parce que leur âme est demandée. Ils sont sur le point de départ. Les. J'ai dit au premier, j'ai dit au pluriel, n'est-ce pas? Leur âme est demandée. Les premiers ministres du Cameroun. J'ai bien précisé, les premiers ministres du Cameroun. Et puis, une fois, j'avais parlé d'un monsieur et qu'on journal de 20 heures, on dit il fut un commis de l'État. N'est-ce pas, frère? Ok. Ça, c'est le 2. Et puis maintenant, j'ai regardé, j'ai vu un camion militaire. Parce que j'ai observé, ce n'est que comment je peux dire. Un camion militaire qui porte les gens. Je ne sais pas où ils vont, où ils sont en train de rentrer d'une mission, où ils sont en train de partir. Mais subitement, quelque chose arrive où plusieurs personnes, sinon tous, périssent. Les militaires, je parle du Cameroun. Donc, ça, c'est la voiture des militaires. Je ne sais pas s'ils rentrent des missions. Ils ne parlent pas d'une petite véhicule. Je parle des camions militaires. Ça n'a rien à voir avec l'autre vision qui avait dit que j'ai vu une explosion. L'explosion, c'est ce qui est impliqué. Et puis, j'ai parlé d'une inondation. Ça n'a rien à voir. Ceci, c'est spécifiquement militaire. Donc, puisqu'on en a parlé des morts, je crois que c'est ça qui se trouve dans le pays. Et je vous avais parlé d'hier. Il y a une nouvelle. Subitement, une nouvelle. Pour la nouvelle, c'est enceinte. Je ne peux pas parler parce que c'est choquant, renversant, grossier, mais c'est une nouvelle que lorsque ça vient, quand ça, vous suivez cette nouvelle, vous savez que voici, c'est ça, c'est la nouvelle. Ok. J'ai parlé des premiers ministres du Cameroun. Leur âme est demandée. Parce que je ne sais pas comment les gens ont des backgrounds religieux qui sont chrétiens, ils entrent dans les ordres. Bon, il y a d'autres. Bon, puisqu'on parle des morts, là, dans Matthieu, chapitre, les premiers ministres du Cameroun. On a plusieurs cérémonies au là. Matthieu, chapitre 10. Des choses vont arriver dans ce pays. Matthieu, chapitre 10. C'est vous qui m'avez amené de dire des choses. Vous y êtes. Bon, de toute façon, disons, Matthieu, chapitre 10, regardons le verset, nous sommes en train de dire Matthieu, là, verset 28, regardez. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Vous avez vu? Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Vous avez vu ça, frère? Donc, c'est celui qu'il faut craindre. Maintenant, il y a une seule personne qui envoie dans la géhenne. C'est le Dieu, le Tout-Puissant. C'est lui seul qui envoie à la... C'est ça que Dieu dit, le Seigneur Jésus dit ici, que c'est lui qu'il faut craindre. Il faut craindre plutôt. Ne craignez pas quand il est censé vous être tué. Après avoir tué le corps, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Rien. Il dit, craignez plutôt celui qui peut tuer le corps. Et là, il est fait périr. Remarquez bien que là, on a tué, on périt. Mais allons dans le chapitre 21. Alors, dans le chapitre 25 de Matthieu, vous y êtes. Comme vous allez nous noter, notez les versets 41 à 46, mais on n'a pas lu tout cela. Je vais seulement lire les versets qui concernent. Mais ce qui me dit, c'est que la chose se trouve dans le verset 31 du chapitre 25 à 41. Dans le verset 31 à 46, hein, mais je vais lire directement le verset concerné. Quand vous allez rentrer à la maison, vous lisez cela. Les premiers ministres du Cameroun. Les premiers ministres du Cameroun. Il y a d'autres. Ça, ici. Bon. Regardez. On va finir. On va aller dans Marc au chapitre 9. Vous avez moi. Hein? Regardons le verset. Il dit quand vous allez. On va finir. Si on va aller au verset. Au Marc chapitre 9. Contrôler ces enfants-là qui sont de défilés là. Verset 46. Donc, il est question ici, il est question dans ce livre de Matthieu, chapitre 25, du fait que le Seigneur Jésus nous dit que si on prend soin des étrangers, de ceux qui sont malades, ceux qui étaient à l'hôpital, ainsi de suite, de ceux qui ont fait et de ceux qui n'ont pas fait. Donc, lorsqu'il arrive dans le cas de ceux qui n'avaient pas fait, on conclut ici, il dit que verset 45 et 46, voilà, je ferme ma Bible là. Verset 45 et 46, il dit, verset 45. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Donc, manquer de faire du bien à ces gens-ci, c'est à manquer Jésus. Puis verset 46 dit, et ceux-ci, notez aussi le psaume 88. Oh mon Dieu, vous me posez la question, ça commence à me tirer comme ça partout là. Le psaume 88. Il dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel. Au châtiment éternel. Notez le psaume 88. Vous avez noté? Notez Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Donc, notez le psaume 88. Il dit 80 quoi? 88, oui. Notez le... Acte chapitre 3, notez Acte chapitre 13. Je vais venir dans Acte chapitre 13. Vous allez avoir le temps de lire Acte chapitre 3 vous-même. Je vais dire ce qu'il en est. Donc allons dans Marc chapitre 9 maintenant. Alors le Seigneur dit à ceux-ci qui vont aller au châtiment éternel, je recommence encore ta question. Ta question c'est en réalité le Seigneur de mort qui a, ou bien la gêne qui est appelée enfer, ou bien c'est la même chose. Enfin, qui veut essayer de comprendre. Et puis là je vais parler des morts qui sont dans la mer là. Vous savez, il parle de des parce qu'il y a des choses qui sont surveillées. En même temps, il faut suivre. C'est fort là. Marc chapitre 9. Vous avez noté, n'est-ce pas? Vous avez noté aussi psaume 88. Commençons par le psaume 88 alors dans ce cas. Psaume 88. Ok. Regardez verset 7 et suivant. Je lis à partir du verset 2, d'accord? L'Éternel. Éternel, Dieu de mon salut, j'écris jour et nuit devant toi que ma prière parvienne en ta présence. Ça, c'est quelqu'un qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Bon, ça, c'est soit le fils de Corée, c'est un prophète ici. Ce sont des prophètes. Il y avait Jédutoum, il y avait tous les autres groupes de prophètes qui prophétisaient devant le Seigneur en priant et en tapant toutes ces choses, les harpes, ou prier devant Dieu. Il crie jour et nuit. Il espère donc là que sa prière va parvenir dans sa présence. C'est même pas le monde qui parle de ces choses-ci. Verset 2. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée des maux et ma vie s'approche de Dieu. Donc vous voyez effectivement que en réalité c'est l'âme qui va au séjour des morts. D'accord? C'est l'âme qui va au séjour des morts. Dans le livre des Proverbes, chapitre 15, la Bible déclare que le séjour des morts est où? En bas. On va noter également ça, on va y aller pour que vous sachiez exactement. Ces choses, il faut que vous sachiez pour que rien ne vous perturbe. Quand Dieu a dit, si quelqu'un veut sortir n'importe quelle théorie, c'est que Dieu a dit est vrai, parce que c'est lui qui est le créateur. D'accord? Je crois que quand nous parlions de ces choses, de la mort là, il était question qu'on regarde les trois parties du corps de l'être humain. Et on va là où chacun part. Donc ici, la Bible déclare, il dit ici que car mon âme est rassasiée de mort et ma vie s'approche au séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. La fosse, là, c'est la tombe. D'accord? Descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre. Donc, sépulcre, c'est la tombe. Comme on a dit, par exemple, pour Jésus-Christ, quand il était mort, il y avait un sépulcre là-bas. Il y a une tombe qu'on avait taillée, on n'avait pas encore enterré quelqu'un dedans. D'accord? J'essaie d'aller doucement pour que vous saisissiez la différence entre la tombe. C'est-à-dire quand quelqu'un meurt, on le dépose là-bas, c'est pas terminé. En fait, lorsque tu meurs, tu expires, on passe à la mort, on attend que ceux qui sont en Amérique ou bien aux États-Unis viennent pour bien pleurer, et bien te pleurer. Tout ce qu'on te met dans le glaçon, là, tu n'es plus là-dessus. Tout ce qu'on va faire par la suite, là, tu n'es plus. À l'instant, tu as expiré. Tu tournes autour, là, tu peux tourner, guetter ton corps. À un moment donné, tu entends seulement la main sur toi. Soit c'est une main qui est douce, paisible, qui fait que la lumière jaillit encore dans ton âme pour te féliciter. Et pendant que tu entres de l'autre côté, là, tu entends les applaudissements et des chants et des cantiques. Et tu vois tes bien-aimés, ceux que tu as aimés sur la terre. Mais si ton âme se plaisait à se délecter, assieds-toi bien à toi. Assieds-toi, tu mets ton dos là-bas. Parce que quand tu as sommeil, mets ton dos là-bas. Voilà. C'est bon, n'est-ce pas? Si dans la vie, tu te plaisais aux choses de ce monde-ci. Vous savez, c'est pour ça que dans le livre des Galates, chapitre 6, le verset 7, la Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui semera pour sa chair, moissonnera de sa chair la corruption. Donc, en fait, on a dit que ta destination, c'est le séjour de mort. Mais celui qui aura semé pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Voilà les deux destinations, encore une fois de plus. Donc, il y a deux destinations. Alors, regardez ici, verset 6 encore. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, virgule, dans les ténèbres, virgule, dans les abîmes, virgule. Non, point là, non. Ta fureur s'apesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots. Tu es éloigné de moi, mes amis. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais les miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges ne sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, reposes-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé. Tes fureurs passent sur moi, tes terreurs m'anéantissent. Elles m'environnent tout le jour comme des eaux, elles m'enveloppent toutes à la fois. Tu as éloigné de moi amis et compagnons. Mes intimes ont disparu. Donc, on voit effectivement que ça, c'est quelqu'un qui était dans une souffrance où il savait que c'est la mort qui allait le prendre. D'accord? Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il parle des fosses, sépulcres, abîmes, séjour de mort, ainsi de suite. D'accord? Rentrons dans Marc, chapitre 9, donc. Marc, le chapitre 9. Vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Marc chapitre 9. Je vais la partie du verset 38. Marc chapitre 9, à partir du verset 38. Tout le monde y est. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt parler de mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et remarquez bien, regardez bien le verset 40, un de ceux que je vais parler, es-tu contre Jésus? Voilà. Je vais parler de ce thème-là de ce jour. Verset 46. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Ah mon Dieu. S'il dit quelque chose maintenant, vous allez entendre ce qu'il avait dit dans notre enseignement, qu'il avait dit qu'il avait dit plus tard, et que s'il avait dit que s'il dit ce jour-là, vous allez sauter. Donc, mieux, je garde maintenant. D'accord, frère? Amen. Mais verset 42. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetait dans la mer. Vous voyez, frère, quand vous croyez au Seigneur, c'est de la bonne façon. Ne vous inquiétez pas de quiconque vous fait quoi que ce soit. Il se charge des malédictions terribles que même le mot malédiction ne suffit pas. Quand tu crois au Seigneur Jésus et quelqu'un t'outrage dans ta croyance parce que tu tiens ferme au Seigneur Jésus, il ne sait pas où il se trouve. C'est Jésus qui dit. Il dit si quelqu'un scandalisait un seul de ces petits qui croit en moi. Vous y êtes? Amen. Ah, c'est pas où les êtres humains vont se tenir ces jours-là. Si ta main est pour toi, maintenant, on y va maintenant. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans là. Yeah. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Donc ici, ouais, effectivement, que le Seigneur est en train de parler de la vie à la fin, ou bien de la Géhenne à la fin. D'accord? Puis il dit Géhenne, et il définit dans le feu qui ne s'éteint point. Dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, verset 45, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la Géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Il répète. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la Géhenne, où le verre ne meurt point et où le feu ne se peint point. Maintenant, ici, le Seigneur vient de nous dire quelque chose, que dans la Géhenne, il y a un style de verre là-bas. Vous suivez? Il y a les verres qui mangent les gens dans la Géhenne, dans le feu. Pendant que le feu te brûle, les vers te torturent. C'est ce que le Seigneur a dit. Comment vous regardez comme ça? Même avant de dire ça ici, il avait déjà dit dans les prophéties. Il avait dit ça dans le livre des prophètes. Ça va? Tu es le chef, non? Prenons ça prenons le livre des prophètes là, ou bien, lisez-moi lis Actes des apôtres là rapidement, avant qu'on arrive dans le livre des prophètes, on va voir cela, vous allez voir. Acte 13, lisons le verset 36. Je crois qu'une des fois, nous avons lu cela. Acte chapitre 13. Acte des apôtres chapitre 13. Après Jean, vous ouvrez Jean. Après Jean, Acte des apôtres, vous allez. Attends d'abord. Acte chapitre 13, le verset 36 seulement. Oui. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, oui, est mort, oui, a été réuni à ses pères, oui, et a vu la corruption. Oui. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Il dit David, après avoir servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Il a vu la corruption, comme Galates chapitre 6 le dit. Oui, n'est-ce pas, frère? Maintenant, écoutez très attentivement. Malgré que David a été enterré, il se retrouvait quelque part. Écoutez très attentivement encore. Ceux qui servent les choses de là, vous appelez les reines de la côte, ceux qui sont dans les eaux. Il y a le monde dans les eaux. Un monde encore plus vrai comme ceci-là. Et dont les choses sont plus réelles encore, plus que ceci. C'est-à-dire qu'il y a des styles de voitures, même que vous n'avez pas ici, qui est là-bas. Ils prennent aussi des avions. Là-bas, les trains, les TGV, c'est tout là-bas. Comment vous me regardez comme si c'est moi qui dis? C'est la Bible qui dit. On n'a pas lu ça tout à l'heure. Hein? On a dit, et la mer rendit les morts qui étaient en eux. Et on dit, la mort est le séjour des morts. Donc il y en a la mort qui prend sa part. Je vous avais dit que la mort c'est un esprit qui a un très grand ventre. Je vous ai dit, il a un gros ventre. Il marche comme ça, il est enceinte des gens. Il blavale les gens depuis des jours. Vous êtes souvent à l'aide. Vous savez ça, non? Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Faut seulement que vous rêvez comme ça pour que vous lisiez la Bible. Donc la mort, c'est un esprit, c'est un être. Oui, mon frère. Je comprenais ce verset de la mort. Mais parle. Je comprenais le verset qui dit que la mort, la mère qui avait rendu ses morts. Oui. Moi, je comprenais. Ce sont les gens qui étaient morts noyés. Quand quelqu'un est mort noyé, il reste dans l'eau. Bref, c'est-à-dire. Mais réfléchissons là. Quand tu vois, toi-même, tu réfléchis comment? Quand quelqu'un meurt dans l'eau, son corps est enterré là-dedans. Non. Le cadavre ne vient pas à la terre. Oui, ça résiste. Bon, Apocalypse chapitre 6. Il vient de verset 7 et 8. Et puis, je vais m'arrêter là-bas. Regardez. Oh mon Dieu. Ça, non. Ça veut dire qu'on va revenir à l'acte des apôtres. Gardez cela à l'esprit. Apocalypse chapitre 6, verset 16 et 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait quoi? Mais c'est un être. La mort montait sur son cheval, il se tchou tchou tchou. Il dit que tu pars où? Il m'a mis en mission, il m'a dit d'aller avaler les gars là-bas. Regardez bien. Et le séjour des morts l'accompagnait. Donc quand il est rassasié, il donne où? Oh mon Dieu. L'accompagnait, donc il dit, alors ensemble en mission. Le pouvoir leur fut donné sur le cadre de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Donc c'est un puissant ange déchu. Un puissant ange déchu. C'est pour cela que, en réalité, le film de ce monde-ci ne finit pas. Vous savez, quand vous faites le film, vous voyez le film. Le dernier combat, c'est entre qui et qui? Ouais, c'est les anciens cinéastes ici, là. C'est chez Bandi et l'acteur. Mais le film des dieux ne finit pas avec le chef Bandi et l'acteur. Ça finit avec la main droite du chef Bandi. 1 Corinthiens chapitre 15. Regardez Actes des Apôtres à l'esprit. Je ne sais pas pourquoi. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. On y va. Venez le verset 53 et suivant jusqu'au 58. Notez le verset 53 à 58 de 1 Corinthiens 15. Je peux lire? Je peux lire? Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Donc lorsque, lorsque les deux choses qu'on a dites là sont accomplies, c'est le film, c'est là maintenant les écritures mortes. Vous savez quand le film finit, les écritures mortes, pour dire que l'artiste a participé. Telle personne pour son nom, c'est normalement son sobriquet, c'est la mort. L'autre sobriquet a joué le rôle de séjour des morts. Ceux qui ont vécu l'immortalité, les voici. Maintenant, le film finit. Là, on met souvent à Dieu la gloire. Là. On dit que la mort a été engloutie dans la victoire. Le film finit, là, frère. Continue, bon, on continue ici. Verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc, ce qui fait qu'il suce les êtres, il suce les âmes. C'est à cause du péché. Maintenant, et la puissance du péché, c'est la loi. Le vrai problème, c'est que la loi, là, c'est Dieu qui a donné. Pour donner la puissance au péché, pour que Dieu tente son aiguillon pour soucier les âmes. Parler de prédestination. Verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous y êtes? Verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas bam. Vous y êtes? Voilà. Maintenant, il faut qu'il prenne quelque chose encore ici dans ce même 1 Corinthiens ici là. 1 Corinthiens. Chapitre 15, regardons le verset 26. Le verset 26 dit que le film finit au frère ici. Alors le verset dit quoi? Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc, le dernier ennemi du film, c'est qui? La mort. La mort. Et maintenant, regardez bien. Quand on dit le dernier ennemi, ça veut dire que là, le film finit. Alors, dans Apocalypse, encore, là, on le dit aujourd'hui, chapitre 20. Le chapitre 20 d'Apocalypse parle du jugement dernier. Donc, c'est là où le jugement, là où le jugement se passe. Il vient à partir du verset 7 pour redescendre là où nous étions tout à l'heure là. Quand les 1000 ans seront accomplis, souvenez-vous qu'avant les 1000 ans, Satan est lié d'abord en prison, n'est-ce pas? Dans les 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montaient sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel, il les dévora. Vous y êtes? Amen. Écoutez bien. Et le diable, nous sommes verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Vous voyez là où votre pape parle, n'est-ce pas? Maintenant, regardez. et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Vous avez vu? Donc quelque chose se passe. Ils cherchent à attaquer la ville de Jérusalem. Satan est derrière pour faire toutes ces choses. Et puis, paf, on les prend, on les met dans la Géhenne. Ici, c'est la Géhenne là. N'est-ce pas? C'est la Géhenne. Par la suite, il dit, puis je vis un grand trône blanc. C'est là où on a lu tout à l'heure. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces œuvres, dans ces livres. La mer, verset 13, rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc quand on te juge, Satan n'est même pas à la prison. Il n'y a même pas à accuser que faites venir Satan ici, là, que c'est lui qui m'avait séduit sur la terre. Non, non, non. Son pouvoir est détruit depuis avant qu'on fait, moi, place le jugement. On dit, ok, sur la terre, là, voici ce qui est écrit. Donne ton compte rendu. Qu'est-ce que tu as pour te défendre? Toute bouche sera fermée devant le trône. Vous voyez cela, frère? C'est pour ça qu'il faut prendre maintenant Jésus-Christ comme avocat. Il faut le prendre comme avocat maintenant, parce que là-bas, ha, personne ne s'en sortira. De toute façon, si tu tiens là-bas, là-bas, on oubliera le livre. Sache que ta paille est finie. Écoutez très attentivement. Si tu te tiens là-bas le jour, on prend dans le livre, jusqu'à ce que tu te trouves devant les gens, qu'on va prendre le livre pour mettre. C'est que ton cas est fini. Alors maintenant, bon, on a dit là-bas que tous ceux dont le nom n'était pas écrit. Bon. Verset 14. Et la mort et le celui des morts furent jetés dans le temps de feu. Ouais, maintenant que la mort était jetée dans le temps de feu, n'est-ce pas? Or, on a dit le dernier ennemi a été détruit, ce sera la mort. Or, ici, effectivement, on voit que Satan est d'abord jeté dans le temps de feu. Donc la mort vient seulement le trouver là-bas. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc quand quelqu'un lutte sur la tête, lutte contre la mort, il croit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chercher. Sa tête ne tient pas. Parce que là, on dit le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. On dit que c'est lorsque notre corps naturel va revêtir l'immortalité qu'on pourra maintenant dire que où est ta victoire. Tout ce que tu bavardais sur la terre, là, c'est où? Vous y êtes? Maintenant, écoutez, allons dans le livre des. Je crois qu'il faut qu'on aille dans Actes des Apôtres. On finit là, pour que ça me quitte. Ça quitte mon cœur là, rapidement, avant qu'on aille dans le livre des prophètes. Actes des Apôtres, chapitre 3. Où vous allez le chapitre 3 là. Prenons le chapitre 2, hein. Chapitre 2. Notez le chapitre 3 si vous lisez doucement. Vous notez particulièrement par rapport les versets 19, 20 et 21. Vous allez méditer. Maintenant, allons au chapitre 2 ici. On peut avancer. Verset 22. Chapitre 2 de Actes des Apôtres, verset 22. Homme israélite. Tout le monde est dans la région de l'île, n'est-ce pas? Actes des Apôtres, chapitre 20, chapitre 2, verset 22. Homme israélite. Tu peux le lire? Homme israélite. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Vous savez moi? Car David dit de lui. Maintenant, ici, il ouvre le guillemet ici. Souvenez-vous, nous sommes à chapitre 2, donc c'est le Saint-Esprit qui en est parlé au travers de la côte de Pierre. Il dit, car David dit de lui, parlant de Jésus, lui s'est mis pour Jésus. Or, si vous allez là où David dit, il n'est nulle part écrit que c'est de Jésus qui parle. C'est pour ça qu'il veut citer son passage. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Mais maintenant, vous allez lire, alors dans ce livre, dans ce psaume-là, chapitre 16, mettez le doigt, ils sont pas revenus là maintenant. Oh mon Dieu, je vais me répondre à ces questions sur la vérité. Pourquoi ça me fait que me tourner ici autour? Psaume 16, là. Il dit, gardez le doigt dans Actes des Apôtres, parce qu'on va y revenir, on continue. Psaume 16. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, si vous ne parvenez même pas à savoir que Jésus-Christ est Dieu, c'est que vraiment, il vous faut vraiment, vraiment, effectivement, Bon, j'ai fini une fois, la délivrance. Je vais lire doucement, vous allez savoir de quoi il est question. Écoutez, garde-moi, normalement c'est au verset 8, je m'astreins d'aller au verset 8 directement. Je vais lire doucement pour qu'on touche au verset 8, pour que vous voyez de quoi il est question. Et là, vous vous tenez maintenant ici, nous nous tenons ici dans David. C'est David qui en a parlé. Dieu dit là-bas qu'on parlait comme ça de lui, parlant de Jésus. On dit Jésus de Nazareth. Cet homme à qui Dieu a fait ceci, ceci, ceci. Il dit que David dit parle de lui. Regardons. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Vous avez vu? Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Donc l'Éternel est son Seigneur. Tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est lui, c'est toi qui m'assujettis, enfin, qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment sous quand il est à ma droite, je ne chante pas. Là, David dit qu'il a quoi? Il a qui à sa droite? Tu as dit ici que David parlait de qui? L'éternel Jésus. Vous voyez là, frère? Donc Jésus-Christ est l'éternel. Jésus-Christ est l'éternel. Dans ces actes des apôtres, on peut rentrer maintenant. Il y a des gens qui essaient de démontrer, qui disent non, aucun apôtre ne savait que Jésus-Christ était Dieu. Jésus-Christ était Dieu. S'ils comprennent le langage de mes frères, ces gens-là, il ne parle pas de ses frères maintenant. Il dit mes frères, nous tous qui sommes dans la Bible, s'ils comprennent notre langage, quand on prend la plume, la façon dont on parle, ils sauraient ces choses. Regardez ici, il dit, verset 25 encore, car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. C'est ici dans ce psaume 16, verset 8, dont il parle là, n'est-ce pas? Et là-bas, il n'y a pas le nom de Jésus. Là, ici, l'apôtre Pierre, le Saint-Esprit vient dire, David parlait de lui, en l'appelant qui? L'Éternel. Donc, si vous voyez dans l'écriture originale, c'est écrit là-bas dans ces mots-là, YHWH, le Dieu Tout-Puissant. Il dit, David parlait de lui. Et dans Matthieu chapitre 22, quand les pharisiens vont l'embrouiller, essayer de poser une question à Jésus, un de ceux qui va poser cette même question, c'est il dit, de qui le Messie est-il fils? Il dit, monsieur, c'est la question la plus facile de la vie. Il ne savait pas que Jésus l'ait emmené quelque part. Il lui posait une question pour qu'il réponde d'abord, afin qu'il lui pose la vraie question. De qui le Messie est-il fils? Il dit, quoi, c'est la descendante d'Éliezer? Non, non, non, non, non, nous connaissons tout cela. Il est fils d'Ida, David. Il dit, ok. Vraiment, hein, fils de David, ok. S'il est fils de David, comme vous le dites, dans ce cas, comment David l'appelle Seigneur? Le gars dit, On dit, Caïphe, quand tu as pensé à cette question, dans ton école, on enseigne ça. Non. Ils n'avaient pas pensé ça dans l'école des fous. Vous y êtes? Parce que ces choses ne te donnent pas par enseignement, ça vient par révélation. Il dit, ok, s'il est son fils, comment il appelle Seigneur? Donc, il veut leur dire qu'en réalité, que David l'avait d'abord vu. Puisque David dit dans ce son sens là-bas, oh mon Dieu. Bon, continuez. Il vous a dit qu'il faut qu'il quitte ces questions si rapidement. Rentrons ici. Verset 25, en tout cas, David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera en espérance. Vous voyez? Regardez. Et même ma chair reposera en espérance. Ça, c'est David qui en a parlé. Ma chair reposera en espérance. C'est-à-dire que quand il va se coucher, il ne craint pas que quelque chose va arriver sur sa chair. Maintenant, puis il dit, car. Pourquoi il dit que sa chair va reposer en espérance? Il dit, car, pour justifier. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Vous avez vu ça, frère? Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Après, il dit maintenant, oh frère, qu'il me soit permis de vous dire, ça c'est un pécheur, celui qui sort dans l'eau, à travers le poisson, qui a dit d'enseigner le peuple d'Israël, là, devant eux, leur enseigner ce que le psaume disait. Ça, personne dans leur école, depuis qu'ils enseignent la loi de Moïse, jusqu'à ce que Jésus vient, Jean-Baptiste vient, il meurt, il part, Jésus vient, voici la première personne qui donne la vraie explication des psaumes qu'il lisait. Un enseignant pêcheur de poissons, sans formation. Il dit qu'il me soit permis de vous dire, il les informe maintenant, en fait, que ce que vous lisez les psaumes là, voici en réalité ce que ça signifie. Quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité, que le monde peut le savoir, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi. Donc, il va aller flipper dans les écritures ce qui le concerne. Il vous les expliquera. C'est pour ça qu'il a fait recevoir le Saint-Esprit. que les événements s'ouvrent. Il dit, hein? Il dit ainsi. Donc, dans l'Église, on a d'ailleurs dit qu'on se sera crucifié et ressuscité. Il dit, oui. Il est là. Aucun pharisien enseigne ça, il ne peut pas enseigner parce que c'est l'esprit. Les choses de l'esprit. Il dit, il fallait m'inquiéter cette question aussi rapidement. Avant que nous en mettons dans les directions maintenant. Donc, il dit que sa chair va reposer en espérance. Il ne permettra pas que son homme va dans la. Mais si eux, ceux-là, ils réfléchissaient vraiment bien, ils devaient dire, mais David lui-même, il dérangeait. Qu'est-ce qu'il écrivait ici? Parce qu'en réalité, sa chair s'est décomposée. Les os sont restés là-bas. Parce qu'il a dit, sa chair reposera. On n'a pas dit périra, on n'a pas dit pourrira. Il dit, reposera avec assurance parce qu'il ne permettra pas que son bien-aimé, voilà, que son sein va au séjour des morts. Donc, en réalité, puisque le corps doit rester intact, l'âme va sortir du séjour des morts, rejoindre ce corps-là. Vous voyez, ça ne peut pas pourrir. Donc en réalité, le Seigneur Jésus parlait là de la résurrection en disant que tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. Amen. Tu ne permettras pas. Il ne doit pas pourrir. Vous voyez là ce soir? Maintenant, regardez bien. Homme, frère, verset 29, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Donc, ce n'est pas comme le témoin, je vais dire que c'est la tombe de souvenirs, le sépulcre. On dit ici, quand son sépulcre existe parmi nous, je suppose que c'est sur la terre, et ils peuvent encore aller désigner que voici le sépulcre de David. Et Actes des Apôtres, chapitre 13, vous avez lu la verset 36, dit que David, après avoir servi au dessein de Dieu, un mort a été réuni à ses pères. Là, le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, explique que le vrai David est chez ses pères. Ici, l'apôtre Paul explique le fait que sa tombe est là. Donc, il y a la tombe du corps physique de David. L'âme de David a été réunie à ses pères. Mais il veut le dire clairement que quand vous voyez David parler, ce n'est pas David qui parle, il ne parle pas de lui. Qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Verset 13, verset 30. Comme il était prophète. Donc David était. Il faut faire attention avec les prophètes, donc, n'est-ce pas, frère? Il faut faire attention lorsqu'on lit les livres des prophètes, n'est-ce pas? Et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé. Alors je pose la question. Pourquoi David ne dit pas tout simplement que, étant sur cette mention, il dit que. Peuple qui va lire ça plus tard. Le Messie va venir, vous ne pouvez pas le tuer. Vous ne savez pas comment il va se coucher, il va se réveiller. Pourquoi il n'a pas dit ça? Il parle comme si c'était de lui. C'est ça qui a troublé même les nuits éthiopiens. Il lisait Isaïe. Quand il lit Isaïe, il a compris ça. Mais Isaïe parle même de qui? Mais est-ce de lui-même ou bien de notre Père? Personne. Pourquoi il ne dit pas clairement? C'est le langage du Dieu très haut. Ça ne dérange pas que les gens qui sont inscrits ici dedans. Quand ils lisent, tu comprends ça. Maintenant, ça casse la tête de ces gens-là. Tu dis, waouh, tu as les paroles de la vie éternelle. Mais si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas avoir ma vie. Quelqu'un dit quoi? Comme tu as entendu la parole, ça c'est la parole d'un être humain. C'est terminé. Le ministère là, c'est terminé. Prends ton clou. Vous voyez? L'autre dit que, mais pendant qu'il a dit que, waouh, son âme fait waouh. Il dit, Seigneur, je veux continuer à manger à cette source-là pour que la vie éternelle abonde en moi. Je ne sais pas si vous suivez le langage. Il dit que c'est la résurrection qu'il a prévu comme ça. Donc, il parlait de la résurrection. Vous avez lu dans ce son-là, vous avez vu la résurrection quelque part. Hein? Donc, Dieu vous parlait de la résurrection, il n'est pas obligé de vous dire résurrection. Il peut appeler quelque chose en disant autre chose. C'est comme Abraham l'a vu crucifié. Abraham l'a vu crucifié. Il a dit comment ça peut être possible? Regardez-moi maintenant, je vais encore ouvrir notre page. Il leur a dit, cette postérité-là d'abord sera d'abord esclave. Il faut qu'il passe par les nations. Bon, maintenant, l'autre volet, vous avez dit, vous voyez, il a dit qu'ils seront descendants dans un pays. C'est moi qui vais les diriger par un même puissant. Pas de la postérité de Christ. Comment? Pourquoi? Cette ténèbre sur la terre? Oui, les ténèbres vont venir sur la terre. On va crucifier le Messie, mais il faut que la postérité. Vous savez que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 3, que si vous êtes à Christ, vous êtes de la postérité dont on parlait, non? Hérité selon les promesses, non? Il faut que la postérité soit dans les ténèbres. Nous voici maintenant les païens. Postérité, ils en viennent où? Même si c'est un peu comment, il faut que l'animal soit divisé. Il faut qu'on soit sectionné. Il faut que quelque chose meure. Ah! Il arrive. Abraham, votre père, a vu mon jour. Il a tressaillé de joie. Vous parlez de. Allez, lire la Bible, il a vu. Oh, il n'a pas besoin d'utiliser votre langage. Vous n'avez pas besoin de lire, il n'a pas besoin de dire que Dieu, dont le Messie va mourir. Non. Il parle d'un autre langage. Mais le prophète, lui, quand tu le lis, tu comprends de quoi il est question. Vous avez moi. Que Dieu vous bénisse. Verset 31. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Amen. Donc, souvenez-vous, Dieu n'a pas besoin d'utiliser votre langage. C'est pour ça que vous voyez, quand il vous dit souvent que montre-moi un verset qui parle de la cigarette. Ok. Comme les femmes disent souvent que moi, j'ai lu le verset, je ne vois pas comment on a écrit pantalon dedans. Il n'a pas besoin d'écrire ton pantalon. Il n'a pas besoin de dire pantalon pour que tu comprennes, c'est ça qu'on parle. Si ce n'est pas comme ça, montre-moi, on a écrit ici, là, avortement. Que tu ne dois pas avorter l'enfant comme tu es là-bas. Fausse couche. Montre-moi, on a écrit fausse couche. Montre-moi, on a écrit couche de nuit. Montre-moi, on a écrit nourriture nocturne. Montre-moi, on a écrit esprit des eaux. Ça se trouve ici. Montre-moi, on a écrit cigare. Maintenant, si vous voyez, il finit par là, vous allez dire, ouf, faut que, donne-moi un delta mantelé là. Il tient un peu. Pendant qu'il fait, n'est-ce pas vous toujours sauter? C'est pas ta frère. Ah, comment vous riez seulement? Si oui, si un coup de cigarette, vous sortez, non? Oui. Mais c'est écrit cigarette ici. Mais qui vous a donc dit que le cigarette est mauvais? Pourtant, c'est pas écrit ici. Donc, vous voyez comment vous comprenez un peu le langage, non? De Dieu. Donc, la prochaine fois qu'une femme me dit que montre a écrit pantalon dans la Bible, il dit que va d'abord m'acheter une cigarette, tu allumes, tu viens, je vais te montrer là, le pantalon. Alors là, quand tu vas dire, ok, voici la cigarette, il dit arrête la main. Il dit, tu ne me montres pas, on a écrit cigarette, elle est grave, je tire un coup. Il dit, hein, frère, je ne dois pas tirer un coup. Je dis, tu dois me montrer ça dans la Bible ici aujourd'hui. Comme ça, si tu ne veux pas qu'il tire un coup, toi aussi, tu laisses ton pantalon. Parce que ça se trouve aussi là-dedans, mais pas avec le nom de pantalon. Voilà. La cigarette aussi se trouve là-bas avec le nom de cigarette. Ah ah! C'est pas ça, Isaïe Bright. Ok. Isaïe chapitre 12. Isaïe chapitre 12. Bon appétit, les enfants. Pendant qu'on est de manger le pain, si vous mangez votre pain là-bas, n'est-ce pas? Isaïe chapitre 12. Il dit, il ferait mieux de quitter ici. Vous voulez me faire parler sur un sujet que je veux pas parler. Vous savez, il y a des gens qui me posent des questions. Je les regarde souvent, ils ne savent même pas ce qui se trouve. Pendant qu'ils posent des questions, ils sont, pendant qu'ils bavardent avec ce qui se trouve, je ne suis même plus avec la personne. Je suis devant le Père là-bas, en train de parler. Que... Bon, une autre chose qu'on parle souvent. Chapitre 12 d'Isaïe. Chapitre 14, là. Isaïe chapitre 14. On va prendre le verset 12, d'accord? Bon, c'est bien le linge qu'on est sur les enfants avec, comme est sur le visage. Bon, c'est bon. Isaïe chapitre 14, verset 12. Parlant de Satan, de Lucifer, regardons ce qu'on va dire de lui. Bon, je crois que c'est mieux qu'on prenne le plus haut pour vous voir. Verset 3. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Vous avez vu comment on appelle d'abord ici? On dit roi de Babylone. Tu crois que c'est celui dont il est là-bas? Regardez. On avance. Et quoi? Le tyran n'est plus. L'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui, vous voyez, on a commencé par roi de Babylone. Puis on dit le tyran. Après on dit celui. Donc c'est la même personne dont on doit parler. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche. Celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations. On parle d'un être humain, d'un être ici. Puis on dit, est poursuivi sans ménagement. Donc on veut dire que c'est son tout ici maintenant, donc on a l'autre cité. D'accord? Toute la terre jouit du repos et la paix. Donc nous voyons effectivement qu'on se retrouve dans Apocalypse chapitre 20, où on avait dit qu'on devait le lier, le jeter pour 1000 ans. Vous voyez? On dit, toute la terre trouve maintenant du repos, n'est-ce pas? On éclate en chant d'allégresse. Verset 8, les cyprès même, les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute. Vous avez vu cela? Ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. On est dans Apocalypse qu'on a vu là-bas que Satan sera lié afin qu'il ne séduise plus les nations. Vous voyez? Ça va passer pour 1000 ans. Regarde. Puis on dit, verset 9, le séjour des morts se meut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Je veux que vous voyez la différence. Suivez très attentivement. Suivez très attentivement. Je veux toute votre attention. Remarquez que je t'en ai parlé ici, je parle d'Apocalypse chapitre 20. D'Apocalypse chapitre 20, on l'a lié pour 1000 ans. Par la suite, on le relâche pour qu'il ne puisse pas faire la dernière, sa dernière incursion dans le camp des saints. N'est-ce pas? Ici, on dit qu'il est descendu au séjour des morts. Alors que là-bas, lorsqu'on l'a mis en prison, on va revenir encore à Apocalypse là. Après, on le fait sortir de sa prison. Là-bas, on parle des thèmes prison. Il faut qu'il soit relâché pour après les 1000 ans. Qu'il sort. Quand il fait maintenant cette bêtise qu'il fait là, on l'attrape maintenant, on le met où? Ah, la jeune. Parce qu'à la jeune, personne ne sort plus. Oui, je vais faire. Maintenant, regardez. C'est pour ça que les gens sur la terre se réjouissent. Depuis que le gars, c'est un peu comme les bandits qui circulent dans le quartier. Et puis on arrête, on dit qu'on a attrapé telle personne, le bandit, qu'on appelait Rambo. On a attrapé, prenons un bandit parce qu'ils aiment les noms là. Rambo, on a attrapé Rambo. Quand on dit Rambo maintenant, chacun maintenant peut sortir à 20h. C'est pas ça, frère. Parce qu'on dit, ouf, Rambo, 18h chacun chez lui parce que Rambo circule dans les lieux. C'est pour ça qu'on dit qu'on se réjouit, c'est parce que on dit depuis qu'il est tombé, personne, on ne nous empêche sur la terre. Mais on dit même les cyprès, même les cèdres du Liban, se réjouissent de sa chute. On dit maintenant, regardez verset 9. Le séjour des morts se meut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Écoutez, mais c'est là où je vais en venir pour que vous voyez quelque chose. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Vous avez vu? Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous, dont le président de la République à qui il avait donné les gloires. Souvenez-vous de Marc, Matthieu chapitre 4, quand il avait dit à Jésus notre Seigneur, prosterne-toi, adore-moi, et te donnerai toute cette gloire-ci, ce royaume-ci avec les gloires. Pas vrai? Le Seigneur, Jésus avait dit quoi? Et non, il a dit au Seigneur Jésus, 4, là m'a été donné, je le donne à qui je veux. Donc tous ces présidents qui se prosternent devant lui, il va les retrouver là-bas au sujet du monde. Les présidents, c'est les gouverneurs, les rois de la terre, disent, un, grand chef. Donc même toi tu viens ici, on croit que c'est toi qui es le puissant, il va dire, oh, doucement, hein. même ici, votre chef. Amen. Amen. Mais regardons ce que les présidents vont lui dire, les présidents, quand vous voyez à la télévision, vous voyez, oh, j'aurais souhaité naître dans sa maison, vous ne voyez pas que votre père va aller souffrir. Il faut seulement la grâce de Dieu, bon, de toute façon, regardez, nous sommes au verset 10, tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Vous voyez comment on va se moquer de lui là-bas. Et quoi qu'il va les gifler là-bas bien même. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de quoi? De vers. Et les vers sont ta couverture. Vous avez vu? C'est quand nous avons lu Matthieu, Marc chapitre 9, là où je sens que l'air où les vers ne mettent pas. C'est pour les tourmenter. Regardez. Sous toi est une couche de vers et les vers sont ta couverture. Puis on dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, toi le dominateur. Chez vous c'est écrit, toi le vainqueur, il n'est pas le vainqueur, il ne peut pas vaincre. Celui qui vient sur le Seigneur, écrivez là-bas dominateur, ou bien, si vous voulez, destructeur. Donc celui qui détruit les nations, on dit qu'il ne vient que pour détruire, égorger, et ainsi de suite. Alors, la mort, c'est une chose différente. C'est une personne différente du séjour des morts. D'accord? Quand quelqu'un meurt, il ne part pas forcément à la mort. Non. D'autres partent dans la mort. Vous mourrez, ce que vous appelez mort ici, c'est-à-dire que la cessation de vie, vous allez dans l'être qu'on appelle la mort. D'autres meurent. Comme vous dites, vous cessez de ici, vous allez dans le séjour des morts. C'est ce que vous avez fait ici. C'est ce qui concerne la mort. C'est ce qui concerne la mort. C'est un monde dans la main. Quand vous faites les alliances avec les esprits des eaux, ou tu avec les esprits des eaux, vous êtes puissant ici sur la terre, vous mourrez, votre âme part là-bas. Vous allez venir dire ce que vous faisiez là-bas. Et quand vous parlez là-bas, il dit encore. Ou tu veux qu'il fasse comment? Puisque il parle là-bas. Le vrai problème avec vous ne comprenez pas, c'est que vous pensez que quand on est inerte comme ça, on fait comment là-bas? Quand tu es inerte ici, tu es inerte là, le vrai être est tout autour, en train de voir ici, là. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je vais vous ai expliqué par rapport à ma tante que j'ai vue coucher là, elle était debout voyant son corps. Donc quand ça fait vraiment la prendre, elle part là-bas, tout ce qu'elle a fait, si elle était sorcière, la personne qui lui donnait le pouvoir, là-bas, tout ça se retrouve avec eux. Parce qu'elle ne peut pas entrer en enfer, voilà, vous appelez la gêne, il faut que le jugement vienne. C'est ce qu'on a dit à l'Apocalypse là-bas. Le jugement va venir pour que ces personnes-là disent ce qu'elles ont fait. Pour que chacun rende compte. D'accord? pense que c'est ici. Bon. Ils sont quelque part. Donc vous quittez seulement la transition, c'est pour arrêter quelque part, parce que tout sous le soleil a un temps. Vous me suivez? Alors quand tu cesses de vivre là, ici, sur cette terre-ci, tu pars dans une autre dimension. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 14, que nous avons lu la dernière fois, le verset 13, la Bible dit qu'il y aurait dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Ça veut dire que tes traces, ce que tu auras fait sur cette terre-ci, va te servir de couverture, va te servir pour seulement te brûler. D'accord, frère? D'où la nécessité, franchement, de comprendre et d'examiner ses propres œuvres. C'est-à-dire, quel fruit porte-t-on? Qu'est-ce que tu portes comme fruit? Parce que quand il dit, les œuvres les suivent, ça veut dire clairement que si tu sois du côté du Seigneur Jésus, que tu sois du côté de l'autre, ton œuvre va te suivre. Parce que, on a vu là-bas que chacun a figé selon les œuvres. D'accord? Voyons dans le sujet donc. Voyons dans le sujet. Mais c'est intéressant. Voyons dans le sujet. Notez Jean chapitre 8, on va commencer maintenant. D'accord? Merci Père. Merci Père. Quel fruit portes-tu? Quel fruit? Ou mieux, quel est ton fruit? Ou mieux encore, quelles sont tes œuvres? Selon comme vous voulez. Voyons cela, d'accord? Quand vous notez les versets, faites attention de discerner parce que par rapport aux questions, parce que vous notez seulement les versets, ça ne vous servait à rien. Quand vous avez lu un jour, vous avez fait deux ans, on parlait même de quoi ici? Donc maintenant, on va devoir voir un sujet. Vous soulignez, vous mettez maintenant votre verset maintenant avec le thème. Vous voyez quel fruit portes-tu? Quel est ton style de fruit? Ton style de ton œuvre? Parce que vous mélangez cela, vous allez lire un jour quand vous allez ouvrir votre cahier. Vous voyez mort, parce que c'est juste mort. Après, vous voyez fruit, mais de quoi est-ce qu'il est question? Qu'est-ce que tout ceci a à voir ensemble? Vous ne vous rappelez pas que c'est parce qu'on avait posé une question, puis on est revenu là-dessus. Donc, la mort réclame l'âme des premiers ministres. Donc, Dieu va nettoyer. Oui. Jean chapitre 8, donc, il dit qu'il veut qu'on prie. Moi, je vous donne les informations. D'accord, je vous donne les informations. Je donne les informations à qui je dois. L'information, c'est que vous, préparez-vous. Ça, c'est l'information à qui je dois. Avant que nous sommes entrés encore dans notre domaine là, vous ferez mieux de lire notre Jean ici là. Jean chapitre 8. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Donc préparez-vous, je vais vous donner beaucoup de versets. Vous ferez mieux qu'on va lire quand les versets vont venir. Il va vous en donner. Avant de lire ces gens là, allons dans le chapitre 5 pour finir par rapport aux questions que vous avez posées là. Lisons quelque chose dans le chapitre 5, puis on va dans Jean chapitre 8. Donc. Regardez quelque chose que le Seigneur va dire là-bas. On y va. Il dit allons au chapitre 5, lisons quelque chose d'abord pour compléter ce qu'on vient de lire là. C'est la question dont on vient de dire par rapport à la mort, le sujet de moi, et ainsi de suite. Ça vient tellement de choses à dire dans l'autre dimension, et dans cette dimension, il faut prendre garde de la manière dont on parle pour qu'on ne se fait pas mal comprendre. Sinon, on va dire, c'est pour ça que quand il y a l'ouverture comme ça, on peut dire, pour vous saisissez, il peut dire comme ça. Il y a des choses dans l'autre dimension, c'est que je vous dis par exemple que l'air a parlé. Vous allez dire, l'air parle où? Que la couleur rouge avait dit telle chose, ou vous allez dire comment la couleur peut parler. Vous savez ce qu'on appelle l'autel, n'est-ce pas? L'autel. L'autel, c'est quoi, frère? L'autel, c'est un endroit où il y a échange entre celui qui compte et la divinité. Et derrière. Donc, par exemple, supposons qu'on fasse là, comme je mets Marie ici, Joseph ici, et autres. Ceci appelé quoi donc? L'autel. Donc, si tu dis maintenant que ceci parle, qu'est-ce que tu vas dire, par exemple? Que ça parle, c'est exactement ce qu'il veut vous dire. On a dit que l'autel parlait. Parce que tu as vu que l'autel parle. Si on veut te dire tout ce qu'il parle, ça ne, même cela, même. Bon, de toute façon, continuez. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Verset 24 et suivant. Regardez. Dès qu'on finit là, je lis seulement, je n'explique rien. Il lit seulement pour compléter ce qu'on a vu. Puis on va aller au Jean chapitre 8. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Vous voyez pourquoi je vous ai dit que si vous trouvez déjà devant là, vous êtes fini. Ici, il dit que si vous croyez, vous êtes passé de la mort à la vie. Donc, vous êtes éliminé dans ce groupe-là. Pointe quelqu'un dans le nez. Dieu vérifie que tu crois la vraie croyance. Ici, il ne s'agit pas d'appartenir à un club chrétien. Que notre église, c'est votre histoire là sur la terre. Là-bas, tu n'auras pas de. Enfin, tu seras même où d'abord pour vous dire que j'appartiens à l'église évangélique. J'appartiens à mon église, était l'église des rachetés, les héritiers des saints des derniers jours. On dit, ça ne se trouve pas ici. Ton pasteur, lui, on va se cacher comme ça, là-bas, que garde, ne vous voyez pas ici là, que c'est fort. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, dit la Bible. Donc, c'est sur la terre qu'on a purifié, si oui ou non, on est dans la bonne course. Voyez comment le Seigneur a dit, que sonde-moi, ô éternel, et voici si je suis dans une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie droite. C'est ce que l'être humain doit prier sur la terre. Seigneur, si on est mal agi, si je ne dis pas comme tu veux, sonde-moi et enlève-moi dans cette voie des ténèbres. Donc, le Seigneur Jésus dit donc ici, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Tu vois cela? Mais il est passé de la mort à la vie. Donc, ceux qui viennent en jugement, c'est ceux qui n'ont pas cru. Ils seront donc jugés d'après leurs œuvres. Parce que d'autres vont vouloir présenter les œuvres pour être justifiés. Il dit là, ça ne se justifie pas. On croit, on est justifié. Parce que quand tu es justifié pour les choses qu'on pourrait être condamné, tu peux passer au jugement pour être condamné. D'accord, frère? Amen. Vous n'êtes pas content pour ce que le Seigneur fait? Amen. Même si vous n'êtes pas content, ça ne changerait pas. Il l'a fait avant que vous venez même. Verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Vous y êtes frère? Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Vous avez vu là où se trouve, n'est-ce pas? Ceux qui sont dans les sépulcres. Maintenant, vous avez vu l'expression dans les séjours des morts. Vous avez vu ça dans la Bible, l'expression les séjours des morts. Je reprends ma question. Avez-vous déjà vu l'expression les séjours des morts dans la Bible? Vous avez vu l'expression les sépulcres? Oui. Maintenant, est-ce que vous avez déjà vu les séjours des morts? Non. Mais où est les sépulcres? Quelle est la différence? Il y a plusieurs tombes. Oui, mais. Okay. Et là, la Bible déclare donc que le séjour des morts ne dit pas que hein, peut-être. Moi, je ne peux pas partir parce que peut-être c'est déjà plein. C'est pas plein, mon frère. Vous, La Bible déclare qu'il y a les femmes, que la femme enceinte, qu'il y a. Je crois qu'il ferait mieux de quitter vraiment. On a, j'ai dit qu'on lit ici, on ne sait pas ce qui m'amène toujours là-bas. Pour cela. Verset 28 encore, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour. Vous avez vu ça, frère? N'est-ce pas ce que le Seigneur a dit, n'est-ce pas ce qu'on a vu l'Apocalypse? Je n'ai pu rien faire de moi-même selon que j'entends et je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Point final. Allons chapitre 8 maintenant. Je crois que vous avez vu maintenant comment le Seigneur a conclu cela. Chapitre 8. Ce thème, si quand je veux voir maintenant, quand nous voulons voir maintenant, ça ne peut pas finir aujourd'hui parce que même trois heures ne finiront pas. Donc je vais mettre des jalons, ouvrir les portes et laisser les interrogations. Puis on va voir la deuxième partie plus tard. D'accord? Le thème, c'est quoi? Quelles sont tes œuvres? Mais quels fruits portes-tu? Ok. Lorsque vous voyez l'expression d'un fruit dans la Bible, vous devez commencer à prêter attention. D'accord? On peut utiliser l'expression le fruit des entrailles. Là, il s'agit de. Quand tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté, vous voyez que bon fruit a une autre expression, a une autre connotation. On a dit quelque chose là. Et c'est de façon parabolique, n'est-ce pas? Donc, pour ne pas dire enfant, on peut dire fruit des entrailles. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous comprenez, frère. Ok. Jean chapitre 8, donc. On va commencer par là. Verset 30. Je vais y aller. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, vous êtes, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous êtes avec moi? Amen. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous y êtes? Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Notre verset 36. Gardez le verset. Nous allons travailler doucement. Il recommence encore. Si donc. Non, je le verset 37 là, n'est-ce pas? Le verset 37 qui vient de lire là. Le verset 37. Vous voyez, les stylos, c'est partout, les craies partout ici là. Je sais que vous êtes la postérité. C'est ce verset dont je veux que vous notiez. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Jésus dit, il sait ça. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Hey! Moi, j'ai passé à tel. Non, je sais. C'est que tu étais groupe. Mais pourquoi ma parole n'entre pas? Nous sommes de tes groupes. La question c'est pourquoi donc tu sectionnes les paroles comme ça? Pourquoi sa parole ne pénètre pas? J'arrive là tout à l'heure, on a parlé des fruits que porte. Nous allons voir l'expression de cela, d'où ça vient. Regardez, verset 38. Il lui répondit, notre père Abraham, c'est-à-dire notre grand pasteur, pasteur de notre église. Notre grand pasteur, vous ne connaissez pas son nom, c'est un tel, hein, il avait 4 jets privés. Jésus lui dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Notez ce verset. Souvenez-vous de ce qu'on a vu dans la première partie. Écoutez très attentivement. Dans la question. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Ils sont heureux. Donc, comme ils meurent là, parce que ce qu'ils ont fait vont témoigner. Pourquoi? Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'abord afin que nous les accomplissions. C'est ça, n'est-ce pas? Il dit qu'ils seront heureux, ceux-là, donc maintenant, quand ils meurent maintenant. Alors ici, il dit, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Sinon, les enfants d'Abraham ont en eux le même potentiel ou bien les mêmes choses pour faire les œuvres d'Abraham. Alors, le Seigneur Jésus dit, lorsqu'on voit vos actions, ça prouve que vous n'êtes pas issu d'Abraham. Les actions, ce qu'on pose, prouve qu'on n'est pas issu d'Abraham. Mais il s'est réclamé d'appartenir à Abraham, parce qu'il sortait là, il dit, ton marginal, quand il trace ma généalogie, il voit que mon dernier père, c'est Abraham. Il dit, c'est pas de ça dont il est question. Parce que si tout le monde veut réclamer l'appartenance d'Abraham, on peut au moins réclamer jusqu'à arriver chez Adam. N'est-ce pas, frère? Avant que d'autres arrivent là-bas, Adam dit que je ne sais pas, je te connais pas, mon ami. On avance. Verset 41. Vous faites les œuvres de votre père entouré. Donc, les versets 37, 40 et 41. Il dit, vous faites les œuvres de votre père. Donc, sur la terre, ce qui est encore plus grave ici, ce sont les gens qui disent qu'ils ont cru en Jésus. Je veux que vous reteniez d'abord ceci. Passez comme ça. Passe ici. Assieds-toi ici. Rapidement. Assieds-toi là. Là. Toi, assieds-toi ici. Assieds-toi là. Assieds-toi ici. Regardez. Le verset 30 dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. On a dit, les gens ont cru en lui. Après avoir cru en lui, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchit. C'est là où le problème a commencé. Mais ils ont d'abord cru. Ils ont d'abord cru. J'appartiens à Jésus, j'ai confessé Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur, c'est bien. Si tu as confessé Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, est-ce que tu as cru de la bonne croyance qui croit pour affranchir? Et quand tu crois au Seigneur Jésus de la bonne façon, tu es affranchi, il indique exactement ce qu'on doit faire, qui est différent des autres. Produit les œuvres d'Abraham, dont le fruit doit se faire connaître. Il a dit dans Matthieu chapitre 7, vous notez, qu'on connaît tout arbre par son fruit. Le fils d'Abraham produit les choses d'Abraham. Puis le Seigneur Jésus dit à ceci, il dit, verset 41, il dit quoi? C'est ça. Si vous agissez comme votre père, qu'est-ce qu'il a là-bas? Vous agissez comme votre attends, père. Attends d'abord. Tu as vu, si là, tu as vu ça au frère. C'est une erreur. Hein? C'est une erreur de ma part. Et alors? Vous agissez comme votre père. Donc, eux, ils se disent dit quoi, frère? Eux, ceux-là, ils disaient quoi? Chers enfants, Jésus dit que vous agissez comme votre père. C'est-à-dire que les œuvres que vous produisez témoignent d'où vous êtes sortis. Alors, je pose la question. Quel fruit portons-nous? Je suis chrétien. Comment tu es chrétien? Je prie trop. Tu pries plus que les satanistes. Vous priez plus que les satanistes. Ils se regroupent nuit et jour, ils ne dorment pas. Ils prient, ils jeûnent pour que les tremblements de terre s'écartent. Ils restent en prière. D'autres restent comme ça, suspendus comme ça. Là. Comme ça, des mois. Jusqu'à ce qu'un cyclone se déclenche. Je parle des satanistes ici. Je dis bien, d'autres ont pour mission de rester sur leur orteil comme ça, suspendus comme ça. Pendant des mois, comme ça, comme je suis là. Pendant des mois pour que un cyclone se déclenche. Pour qu'il frappe la terre. Si on dit là que, frère, préparons-nous au jeûne, 3 jours la semaine prochaine. On dit à sec ou à froid. À sec ou à froid. Si vous étiez dans notre vie, on dit que je suis la puissance en haut. Ça fait un peu rien contre moi. Ce n'est pas le bavardage. Là-bas, c'est la puissance. Écoutez très attentivement. Il y a des hommes spirituels. Que si vous le regardez comme ça, un satané, ou le comme ça. En tout cas, il n'y a pas l'orienté. Je vais vous mettre l'orienté. Si vous allez voir un pasteur qui a pris la Bible, il est sur la plateforme. Il croit qu'il allait. Il dit, oh, les gens sont en bas. Il y a un monsieur qui a dit, il veut le challenger. Le monsieur a dit, je peux te renverser là où tu es. Le pasteur a dit, tu ne peux rien au nom de Jésus. Vous savez, quand le pasteur dit, il tend la Bible. Il croit que c'est la Bible qui protège. Écoutez très attentivement. Tendez la Bible au diable, ça ne fait absolument rien. Parce qu'il a ça dans sa Bible. Il lit souvent pour constituer ce qu'on dit la Sainte Bible. Il dit qu'il lit souvent pour savoir, pour se rafraîchir la mémoire, ce que la Sainte Bible dit. Le marabout là, comme ça, le pasteur est tombé évanoui sur la plateforme, jusqu'à ce qu'on est venu porter. Le marabout était vivant. Je vais vous mettre la vidéo ici. Donc, sortez, allez prêcher l'évangile. Que non, Jésus-Christ, Seigneur, tu crois que tu as prononcé le nom, il va venir te défendre. Allez courir devant. Quand on va faire, bam, tu vas rentrer avec un pied, ça, tu vas dire, Seigneur, Seigneur, qui t'avait envoyé? Alors, le style d'œuvre que tu produis montre qui tu es. Ici, il dit que vous voulez faire les œuvres de votre père. Ils ont dit non, non, non, non, non, non. Jésus prenait seulement sur leurs œuvres. Parce qu'il veut le faire mourir depuis. En fait, à la fin de la conversation, on va voir effectivement que finalement, on va le faire mourir. N'est-ce pas, frère? Continuons. Regardez. Notez Colossiens chapitre 1. Notez Colossiens chapitre 1, verset 10. Colossiens chapitre 1, verset 10. Vous avez noté, je vais vite aller. Si, comme ça, au fur et à mesure, si je vous donne tous les versets, il peut savoir qu'il peut prendre tes versets, tel verset. Parce que s'il reste dans ce chapitre, il sera beaucoup mieux comprimé. Notez Tite chapitre 3, le verset 14. Vous y êtes. 2 Jean 1, verset 8. Entourez ces versets, si on va y revenir, si j'oublie, vous me rappelez cela. 2 Jean 1, verset 8, là. De Timothée 2, le verset 6. L'une des choses les plus graves dans ce chapitre, c'est que on commence par dire que pendant qu'il parlait, plusieurs crient en lui. Et on dit au verset 31 que et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, ce ne sont pas ceux qui appartiennent aux religions, ou bien qui confessent Jésus comme le Seigneur. Il n'y a pas ça dans la Bible que l'existence du Seigneur Jésus-Christ, c'est ceux qui le confessent comme leur Seigneur et Sauveur. Ça n'a rien à voir. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. On va vous appeler en ce moment-ci fanatique. Parce qu'on a dit à Pierre, à l'apôtre Paul, dans le chapitre 28, quand ils vont venir le voir dans son logement, on dit que nous avons entendu que ces sectes-ci trouvent des oppositions partout. Ces sectes-là, ils appellent ça secte. Donc on va t'appeler un chrétien. Allons-y, allons-y, c'est Acte 28 là. Avancez tout là, on rentre rapidement. Donc ils appellent eux ça. C'est le secte des Nazaréens. Vraiment. Où vous êtes? Regardez le verset 22, il dit seulement là, il rentre rapidement. Regardez. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses. Car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. C'est à la fois de Pierre comme ça, là, on appelle à la fois de Paul. On appelle comme ça là, on dit qu'il est le chef de cette secte-là. Et les musulmans le disent aujourd'hui que le vrai fondateur du christianisme, c'est l'apôtre Paul. Parce qu'on avait déjà dit que c'était le juge, le fondateur. Qu'il est le chef de la secte qui rencontre les oppositions partout. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Dans ce verset 22 de Acte 28. Je suis en train de dire que si vous prenez position pour la parole, pour servir Dieu de la bonne façon, comme je vous ai dit, demeurez dans ma parole, on va vous taxer des satanistes, des sectaires, des fanatiques. Voilà le mot qu'on va utiliser. Oui, lis-nous ça, frère. Nous avons trouvé cet homme oui. Qui est une peste. Vous entendez? Qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde. Oui. Qui est le chef de la secte des Nazaréens. Des Nazaréens. Vous avez vu une histoire? Nous voilà. C'est la faute de Paul comme ça. Là. Mes frères, il enseignait pour que les gens aient la vie. Amen. Il enseignait pour que les gens soient droits avec le Seigneur. Dans le chapitre 20, verset 20, il dit que vous savez que je n'ai pas craint de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Annonçant aux juifs la repentance partout, parce que la repentance et la vie avec la bonne œuvre, cette repentance, la digne des œuvres, n'est-ce pas? Par rapport à Dieu, voilà ce qu'il enseignait, mais comment on l'appelait? C'est une peste, il dérange. Pourquoi? Parce que le système établi a une norme, il fonctionne d'une certaine façon. Notre église, on a toujours fait comme ça. On a créé comme ça, ici, ça fonctionne comme ça. Tu veux montrer quoi? Voilà ce qu'il en est. Mais Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, mais la question terminale, regardez bien, les gens qui confondent Paul, Jésus là, ce sont des religieux. Remarquez les impies. Les impies sont en dehors de ça. Les mondains disent que ça dépasse les chrétiens. Les pensées qui bagarrent. C'est ce qu'ils voient. Même les Romains étaient là comme ça. Ils observaient comment les juifs et les juifs discutaient. Jusqu'à ce qu'ils ont même amené un temps à Jésus. L'autre a dit que prends-le, juge-le d'après votre loi. C'est comme ça. C'est les religieux et ceux qui tiennent ferme à la parole qui ont les confrontations. Quand c'était fort, on a pris dans Jésus. On a livré au monde. Comme souvent, vous allez voir, ces styles de passés vont prendre les vrais, aller enfermer en prison comme ça. Ouf, ils dérangeaient les gens ici sur la terre. Vous voyez, les œuvres. Les œuvres. Donc le Seigneur Jésus leur a dit, vous voulez accomplir les œuvres de votre Père. Il dit, nous ne sommes pas des enfants. Disons. Regardons le verset 41 encore. Vous faites les œuvres de votre Père. Nous sommes au verset 41 de Jean chapitre 8. C'est ça, non? Notez Éphésiens chapitre 5, verset 5. Éphésiens chapitre 5, verset 5. Vous y êtes? Notez Philippiens chapitre 1, verset 1 à 11. Ou bien verset 9 à 11. Verset 9 à 11. Pourquoi on lui donne longtemps? Vous y êtes? 2 Corinthiens chapitre 9, les 10 premiers versets. 2 Corinthiens chapitre 9, les 10 premiers versets. On y va. Verset 42 maintenant, regardez. Je crois que je n'ai pas fini verset 41 là. Il nous répondit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Donc je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les esprits n'ont pas changé. Vous n'allez pas voir les pasteurs, même si ce sont les faux prêcher certains. Non. C'est leurs œuvres qui montrent ce qu'ils sont. Remarquez, devant Jésus, le juste juge. Les gens disent, peut-être tu confonds. Nous avons un seul... Non. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père. Qui est-il? Abraham. Non, non, regardez bien là-bas. Dieu. Et ils disent qu'ils sont les enfants de qui? Dieu. Le Créateur devant eux dit que vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Ils discutent avec lui. Il veut que ça traverse votre esprit pour que vous voyez de quoi il est question avec de notre système moderne. Non, non, non, nous sommes tous les enfants de Dieu. Il y a quoi à faire comme ça? Il y a quoi à faire comme ça? Dieu n'est pas important. Jésus a dit, mes brebis, eux, entendent ma voix. Ils me suivent. Ils marchent dans la parole. Colossiens 2, 6 dit, maintenant que vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. Dans la parole qu'il faut marcher. Marchez dans la parole. Vous vous écartez à gauche, vous êtes un ennemi. Le prophète Élie, lorsqu'il avait confronté les prophètes de Baal, il leur a dit, il s'est tourné vers le peuple d'Israël, il est jusqu'à quand clocherez-vous à gauche et à droite. Si Baal est à Dieu, allez vers lui. Si c'est l'Éternel, marchez directement, n'est-ce pas? Amen. Donc les gens croient maintenant qu'on peut marcher avec Dieu. Souvenez-vous de ceci. Ce que je veux comprendre, c'est que la confession ne suffit pas. Parce que si c'est la confession, si c'est avec les bonnes confessions, si c'est un début glorieux, ils avaient le début glorieux parce qu'ils avaient la chance, avec grand C, ils prononcent encore bien le mot, la chance d'avoir le Messie devant eux, ils ont entendu directement, ce n'est pas un évangile dilué. Ce n'est pas passé par une personne avant de dire, ils entendaient Jésus. On dit, pendant que Jésus parlait ainsi, plusieurs crient en lui. Puis il s'adresse aux Juifs qui avaient cru, il n'a pas de ça, tout le monde. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, donc croire n'est pas suffisant. Parce que tu peux croire, ça devient la première origine pour bombarder ta vraie nature. Et c'est ce qui est arrivé ici. Donc la vraie nature de quelqu'un est vraiment manifestée lorsqu'il se confronte avec la parole manifestée. Et ça s'est passé là. Si Jésus ne venait pas, toutes les autres personnes les voyaient comme des gens qui observent la loi, qui marchaient droitement. Et le plus grave, c'était que c'est eux qui dirigeaient le peuple. Et Jésus vient de dire que votre père, c'est le diable. Vous mesurez bien le prix. Il dit votre père, il dit bien ceux qui prennent, ils avaient des écoles, ils avaient des écoles bibliques où ils formaient les gens, ils lisaient, ils disent notre loi ne nous dit ici, notre loi dit des choses, ils disent notre loi, ils se mettent dedans. Ils disent qui t'a donné la loi là? Ton père c'est Satan, mon ami. Il dit tu comprends ou quoi? Je lis la Bible chaque jour depuis, père m'a dit, Jésus lui a donné la déclaration fracassante, vous avez pour père le diable. Il faut regarder très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si le diable cite la parole n'importe comment, les œuvres vont se manifester. Et ça, c'est fait. Parce que Jésus nous a donné, notre Seigneur, nous a dit dans Matthieu chapitre 7, il a donné la référence. Il a dit, est-ce que vrai, on peut cueillir des raisins sur des figues? Est-ce qu'on peut cueillir la papaye sur le manguier? Ils ont dit non. Il dit, ok, comment on ne peut pas faire ça? Sachez que mes œuvres ne peuvent pas se retrouver sur cela. Si vous étiez des enfants d'Abraham, vous produirez des fruits d'Abraham. C'est pas ce qu'il a dit. Les œuvres d'Abraham sont inimitables. Alors la question c'est quelles sont ces œuvres-là? Quelles sont ces œuvres-là? Première chose, croire la parole, y demeurer, y marcher. C'est ce qu'Abraham a fait. C'est comme ça qu'Abraham a commencé. Ces œuvres-là commencent comme ça. Croire la parole, y demeurer, y marcher. C'est là où les œuvres commencent. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en. Vous avez vu ça, frère? En Jésus-Christ. Pour. Quand tu es en Jésus-Christ, il y a un pour. Des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. C'est pour ça que l'être humain va tout faire le bien sur la terre. Si ça ne se trouve pas sous l'influence de Christ, l'influence du Saint-Esprit, il a tout faux avec grand âge. Je vais encore, je réitérer ce qu'il a dit. Les groupes de personnes qui étaient devant lui. Si les autres peuples, même le peuple regardait, on devait dire que ce sont les gens raffinés, les gens d'éducation, les gens qui ont de l'intelligence, les gens qui lisent la Torah, les gens qui sont raffinés, qui respectent la loi au mieux de leur connaissance. Mais Jésus dit, vous avez pour père le diable. Il se tient un de ces jours là-bas. Pour les pharisiens, c'est venu ce jour-là avec les docteurs de la loi. Il a donné une série de malédictions. Malheur à vous, pharisiens. Pharisiens, ça veut dire séparés. Donc les gens qui étaient mis à part, assidus à la doctrine, ils lisaient la Bible comme ça, ils ajoutaient les choses, expliquaient, disaient les choses. Jésus vient dire, malheur à vous, pharisiens. Parce que vous fermez le royaume de Dieu à d'autres personnes. Vous n'y entrez pas et vous empêchez les gens d'y entrer. Là. Comment les pharisiens ont fermé la route? Aux gens n'avaient pas entré. Ils avaient mis sur les chemins des gens, les traditions des hommes. vous tombez là-bas. Vous respectez les traditions, vous tombez. Parce que cette tradition-là n'amène pas dans le royaume. Cette tradition n'amène pas dans le royaume. Nous respectons telle chose ici. Nous respectons telle chose ici. C'est le commandement de Dieu qui donne la vie. Le commandement. Alors ils ont fait tout, raté ce qu'il a fait la raté. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils étaient envoyés pour pervertir. L'œuvre de leur père, principalement, c'est de pervertir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de leur père, c'est de pervertir l'œuvre de Dieu. Vous entendez cela? Alors, Jésus, notre Seigneur, dit ici que vous faites les œuvres de votre père. Ici, principalement, leur œuvre va conduire à l'assaut final pour la crucifixion du Messie. Vous dites que le Messie n'est plus là, il ne peut pas être crucifié. La Bible dit que vous pouvez encore crucifier pour votre part le Fils de Dieu. Pas vrai? Pourtant, il est assis à la droite de Dieu, n'est-ce pas? On dit qu'on peut le crucifier encore sur la terre et l'exposer à l'ignominie. Donc, ce que tu fais de la parole maintenant, le Logos, c'est ce que tu ferais s'il était devant toi physiquement. Vous entendez, n'est-ce pas? Vous entendez, mes frères? Ok. Notez Matthieu. Les 10 premiers versets du chapitre 3, notez. Vous notez. Donc, en clair, ton fruit t'identifie. Regarde quelqu'un. Dis ton fruit t'identifie. C'est-à-dire quoi concrètement? J'ai qu'une manque. C'est sorti d'où? On dit ton fruit ti. Et quand une papaye, c'est sorti d'où, frère? Je cueille la paix. C'est sorti d'où, frère? Je cueille la haine. C'est sorti d'où, frère? Je cueille le mensonge. C'est sorti d'où, frère? Notez Galates chapitre 5, donc, comme vous êtes trop fort. Galates chapitre 5. Notez les versets 16 à 22. Deux Jean chapitre 4, versets 30 à 36. Jean 4, verset 30 à 36. Je vous donne. Jean 15, verset 1 à 16. Dès qu'on finit ce livre de Jean, chapitre 8, on va aller dans le livre des Romains, c'est baladé. Jean, j'ai dit 15, n'est-ce pas? Verset 1 à 16. Notez Matthieu, chapitre 7, verset 16 à 20. Entourez cela. On va lire ça maintenant. C'est le chapitre 12 de Matthieu. Chapitre 12, verset 30 à 33. Il dit Matthieu 7, verset 16 à 20. Chapitre 12 de Matthieu, verset 30 à 33. Chapitre 13 de Matthieu également. Oui. Verset 1 à 26 du chapitre 13 de Matthieu. Matthieu 16. Matthieu 13, verset 1 à 26. Vous avez noté? Il dit d'abord Jean, chapitre 15, verset 1 à 16. C'est pour ça qu'on ne peut pas finir ça maintenant. Parce qu'il ne s'agit pas de citer les versets. Il faut amener les versets vivants. D'accord? Il ne s'agit pas de les citer. Parce que si vous demandez, vous tous, vous dites chaque fois dans ces galères, chapitre 5 là, que la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils ont les contraires à ceux de... Hein? C'est pas ça? Les œuvres de la chair sont évidentes. Les œuvres de la chair sont évidentes. C'est. Donc, si on cueille ici, ça sort de la chair. Si on cueille l'autre là, ça sort de qui? L'esprit. Donc, il y a l'arbre de l'esprit qui produit 9 styles de fruits. Vous pouvez cueillir ça. Vous allez dans une autre branche, vous cueillez telle ou telle chose, cueillez telle ou telle chose là-dedans. On avance. Notez Marc au chapitre 4. Vous avez noté ça? Notez Matthieu chapitre 21, verset 42. Matthieu chapitre 21, verset 42. Vous y êtes, frère? Ok. Verset 42, donc maintenant ici. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Si tu es enfant de Dieu, tu aimes le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, frère? Tu demandes à tous ceux qui sont religieux, même à ceux qui vont à l'école du dimanche, qui aime Jésus? Tout le monde lève la main vers le sol comme ça. Qui aime Jésus? Si Jésus tient au milieu, il dit, toi, tu ne m'aimes pas du tout. N'est-ce pas, frère? Ah, on n'est pas d'accord. Jésus dit, il dit que si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Maintenant, est-ce qu'il s'agit de dire, j'aime le Seigneur, oh Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Juste quand tu fais le cœur comme ça fait, comme ça, oh Seigneur, je t'aime. Tu prends la Bible, tu sais, comme ça, oh Dieu, Seigneur, je t'aime. Déjà, ton voyage, il ne s'agit pas comme ça. Jean chapitre 14. Ouvrons Jean chapitre 14 et rentrons là-dessus. Regardez, c'est Jésus qui a dit que si vous êtes enfant de Dieu, parce qu'il a dit si Dieu était votre père, donc si vous étiez ses enfants, n'est-ce pas? Si vous êtes enfant de Dieu, vous m'aimeriez. N'est-ce pas? Amen. Si je pose la question maintenant, ceux qui aiment Jésus, je ne veux pas poser la question parce que vous allez me dire moi, parce que si quelqu'un n'aime pas Jésus, il n'est pas dit, n'est-ce pas? Amen. Donc quelqu'un peut penser aimer Jésus sans l'aimer tout pour autant. Parce que aimer Jésus, ce n'est pas dire aïe, il sent quelque chose pour lui ici déjà, frère, c'est bon jusqu'à. C'est pas ça. Déjà, c'est pas ça. Maintenant, voici comment aimer Jésus, d'accord, frère? Amen. Chapitre 14, le verset 21. On va lire tous ensemble. Je veux qu'on lise tous ensemble. 1, 2, 3, on y va. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je recommence encore le premier volet. Maintenant, je recommence le premier volet. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Soulignez ça. Vous avez vu, frère? Vous avez vu? Amen. Donc, ne vérifiez pas votre amour pour le Seigneur lorsque tu dis, hey, mon cœur est déjà. Non, non, non, non. C'est ta vie, les œuvres, le fruit. C'est-à-dire, il leur a d'abord dit, si vous, pour que vous soyez mes disciples, la condition c'est que vous gardez mes commandements. Si tu as mes paroles, oui, garde-les. C'est ça dont c'est les questions. Tu gardes, alors tu l'aimes automatiquement. Parce que la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5, verset 1 à 4, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements, dit la Bible, ne sont pas pénibles. Quand tu dis à quelqu'un que les commandements, eh, tu donnes, si tu donnes, quand il comprend, il dit non, non, non, non, qui peut respecter tout ça? Jésus lui-même n'a pas dit que la chair est faible. Il a dit qu'on respecte les commandements avec la chair, frère. Il a dit qu'on respecte les commandements avec la chair. Non. Ah. Parce que la chair, la Bible déclare dans Romains chapitre 8 que la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Elle ne le peut pas. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. On va revenir là-dessus. On va revenir sur la phase pratique de ces choses. Alors, je recommence encore. Je vous pose la question. Comment on aime Jésus? On sait qu'on aime Jésus. Comment on sait qu'on aime le Seigneur Jésus? Voilà. Donc, si tu ne gardes pas le commandement du Seigneur Jésus-Christ, tu montes, tu descends, même si tu chantes pour son nom, tu loues la sueur sort sur toi, ça remplit les seaux. Il dit clairement que tu ne l'aimes, parce que tes œuvres sont les œuvres de qui? On avance, frère. Continue dans le chapitre 8, donc. Verset 42. Jésus l'a dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Après, il s'étonne. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Vous voyez, frère, ce qu'il vous dit chaque fois. Dieu a son langage. Il peut parler. Tu entends, mais tu ne comprends pas. C'est ça dans les questions dans la Bible. En réalité, c'est cela qui est considéré. Parce qu'il faut être Dieu pour écrire tous tes plans et tes secrets et les garder dans un livre, distribuer à tout le monde. Parce que le secret ne se divulgue pas. Mais le problème, c'est que il a écrit avec le sceau, il a mis un sceau dessus, comme Isaïe le dit, que c'est comme un livre qu'on donne à quelqu'un cacheté, il ne peut pas comprendre ce qu'il y a là-bas. Puis il a allé plus loin en cela, il dit que cette révélation parmi mes disciples, donc même chez les disciples, c'est scellé. vous donnez par révélation. C'est ça, frère. Alors, le prophète écrit dans la Bible, codifié avec le langage de Dieu, mais traduit en notre style de langue littéraire, grammaticale et autres. Vous lisez avec votre grammaire, mais ça parle un autre style de langue. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Je vous le dis clairement et simplement. Depuis qu'on a lu le verset 30, là, vous avez entendu quelque chose de compliqué là-dedans? Hein, frère? Qu'est-ce qu'il a dit de compliqué? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Vous ne comprenez pas. Il dit à ceux qui avaient cru, il dit, oh, le gars, si tu parles demain bien, j'ai cru ce qu'il a dit. Ah, mon cœur fait un, j'ai dit, vraiment, hein. Et ok, pour qu'on soit mes disciples, gardez mes commandements, gardez mes paroles. Vous êtes vraiment mes disciples, ça a déclenché la guerre. Qu'est-ce qu'il a dit de compliqué, frère? Il dit, quand vous serez comme ça, à ce niveau-là, vous allez comprendre vraiment ce qui va vous affranchir. Il dit, ah, non, non, non, non. On n'a jamais été esclave de personne. Même sur ça, il ment, parce qu'il avait été esclave en Égypte. Même sur ça. Ah, Seigneur Jésus. Il dit qu'il ne fut esclave de personne. Il n'avait pas esclave de personne, frère. N'est-ce pas les anciens arrières, grands-pères qui ont crié? C'est parce que Jésus est descendu dans la montagne, il dit à Moïse qu'il va les délivrer. Il dit qu'il ne fut esclave de personne. Donc même Moïse, il ne croit même pas. Le diable. Tout ce qui sort là, c'est le mensonge. Mais le problème, c'est qu'ils disent que Dieu est le Père. Je veux que vous compreniez. Aucun faux pasteur ne peut dire « Je suis serviteur du Satan ». Jamais. Ils vont dire « Oh Seigneur, tu es bon ». Mais c'est Lucifer qui a nous parlé. Parce que dire que Dieu est bon n'est pas le problème. Dire que je crois qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, les démons savent ça. La Bible déclare dans Jacques que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais très bien. Si tu crois que c'est le ministère, les démons eux aussi croient ça. On n'a pas dit que les démons savent ça, eux les démons croient. Donc, s'il y a une certitude sur... C'est que les démons savent qu'il y a un grand Dieu. Mais on dit, voudrais-tu savoir, ô homme, que la foi sans les œuvres est morte, de même comme un corps sans âme est mort? Notez Jacques chapitre 2, donc, comme je viens de citer. Les œuvres. Jacques chapitre 2. Viens ici. C'est toi là-bas. Jacques chapitre 2. Vous voyez, c'est ça dans ce sujet. Je venais citer ça là-bas dedans. Où on dit, montre-moi ta foi. Écoutez très attentivement. J'arrive là maintenant. C'est ça qu'il dit qu'on va développer. Là, il dit, quelqu'un te dira, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai ma foi avec mes œuvres. Là, maintenant, oh, je crois que c'est juste. Prouve. Hey, je suis chrétien. Hein? Ma mère était chrétienne. Je suis né dans une famille chrétienne. Ma mère était une forte croyante. C'est vrai qu'elle n'avait pas la foi comme elle. Elle avait une grande foi. Chaque 5 heures, elle était à l'église. Donc, c'est ça ta foi. Il dit, dans ce Jacques-là, il dit, montre. Même quelqu'un va te dire, montre-moi ta foi sans les yeux. Donc, si tu dis que tu as foi, essaie de prouver. Puis, on met toute une série de gens qui ont une foi et dont la Bible parle comme témoignage. Allez regarder. Chaque fois qu'il y avait une foi, il y avait une manifestation. Donc, les œuvres, écoutez très attentivement maintenant, gardez toute votre attention maintenant, écoutez très attentivement, cher. Écoutez maintenant, montons autre chose, d'accord? Écoutez très attentivement maintenant. Les œuvres, venant après la foi en Jésus-Christ, rend votre foi parfaite. Saisissez bien cela. Saisissez bien cela. C'est pour cela que. Même si tu cries à tue-tête en pleurant que tu as la foi, s'il n'y a pas d'œuvre, sachez que vous allez finir là-bas dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 11 et 12. Là. Vous finirez là-bas certainement. On a dit, chacun fut jugé selon les œuvres qui étaient écrites là-bas, dans les livres. On a lu ça, frère. Vous finirez là-bas. Écoutez très attentivement encore. La foi, après avoir eu la foi au Seigneur Jésus-Christ, les œuvres qui viennent dans le Seigneur Jésus-Christ rendent votre foi parfaite. Nettoie votre foi. Nettoie votre foi. Dans Saint Jacques chapitre 2, c'est parce qu'il va vite. Parce qu'il y a des choses avec qui comprennent, vous donne. C'est-à-dire quoi? Un homme de foi, prouve. Par sa vie de foi. C'est quoi la vie de foi? C'est ce qu'on voit ici en réalité. Si vous chantez. Moi je suis enfant de Dieu qui est-il? Et je suis enfant de Dieu. Comment vous chantez? Je vous fais chanter cela. Vous chantez parce que la sueur coule. Vous pouvez dire, oh, mais c'est ça, tu parles. Écoutez très attentivement. Si c'est pour dire qu'on est enfant de Dieu qui est-il, ceux-ci répondraient que je suis enfant de Dieu, nous sommes jamais orphelins, ni illégitimes, n'est-ce pas? Amen. Donc, enfant de Dieu, tout le monde confesse. Disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est difficile d'avancer pour dire je suis disciple du Seigneur Jésus. Il dit bien c'est difficile parce que les qualifications du disciple du Seigneur Jésus sont claires dans la Bible comme l'eau de rouge. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il ait sa propre vie. Avant de dire je suis disciple du Seigneur Jésus-Christ, réfléchis d'abord bien. Si tu as haï ta propre vie. Vous me suivez? Amen. Vous me suivez? Amen. Ok. Votre foi est rendue parfaite par vos œuvres. Les œuvres de la foi, donc c'est ce que je viens de dire. Votre foi est rendue parfaite par cela. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, par votre œuvre, c'est la même de la foi. Si vous voulez vous le saisir, on s'approche de Dieu. Par la foi, on parle les choses de Dieu. Par la foi, on exerce les œuvres justes. C'est ça qu'Apocalypse, ça fait 19 parle. Vous avez suivi ce qu'il dit, frère? Ok. Puis, mon grand frère dit, vous voyez que l'homme n'est pas justifié par la foi, mais par les œuvres. Mais faites attention de ne pas mal comprendre par rapport à, lui ne serait pas justifié par les œuvres de la loi. C'est différent. De ce que Jacques, chapitre 2, a dit, c'est différent de ce que la Bible déclare, que lui ne sera pas justifié par les œuvres. Parce que la Bible déclare clairement que nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, que nous les accomplissions. C'est ça dont il est question. Nous ne viendrons devant lui pour dire comment ouvrir le livre à ce jour-là. Il dit que sur la terre, j'avais construit l'église qui est à Banjoum. L'église qui est à Banjoum, c'est toi qui as construit, oui. Oui, bien, lui dit que ton œuvre ici, c'est quoi? J'avais construit ceci, j'étais même scout même. À l'école de dimanche, là, quand on était allé au Magnon, un jour, un garçon est tombé dans le trou, il l'a enlevé. Il dit comment on parle de ton œuvre, ton œuvre. Vous voyez, donc, tu vas essayer n'importe quelle manière, tu ne pourras pas t'en sortir. Mais la Bible parle des œuvres justes des saints. Nous sommes son ouvrage. Dans Ephésiens chapitre 2. Notez Philippiens 4, 17. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Vous voyez, n'est-ce pas, le peuple de la foi. Ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. Donc, on a la foi pour accomplir les bonnes œuvres. Et le vrai problème, c'est que ces œuvres sont préparées d'avance. Donc les œuvres des saints sont prédestinées à leur accomplissement. Vous me suivez, frère? Ouvrons 2 Jean chapitre 1, verset 8. Je vois, je vous donner ça aujourd'hui. 2 Jean chapitre 1, verset 8. Je vous ai dit ça, n'est-ce pas? Oui, on a mentionné. Ok. Dès qu'on finit là, on va dans Romains, à moins que ça m'entraîne comme ça m'entraîne depuis aujourd'hui là. 2 Jean chapitre 1. Mais ma tête, c'est même que depuis, il parle des fruits là. Je n'ai même pas encore touché Jean chapitre 15. Où c'est le chapitre des fruits demandés aux chrétiens, n'est-ce pas, frère? Vous voyez que depuis, vite, parce que je parle là-bas, on va durer ici. Je vais attendre un des 5 jours qu'on va venir très tôt pour que je puisse prendre le temps pour enseigner là-dessus. Donc, on va toucher. Chapitre 15. Ça veut dire là où il a dit que je suis le cerf, vous êtes des serments. Si quelqu'un demain à moi, il va porter beaucoup de fruits. Si pour le fruit, on va émonder davantage. Vous devez poser des questions de quoi est-ce que le Seigneur n'est pas allé là. Et vous posez la question que, ok, oui, je suis en Christ, en Christ. Quel est ton fruit que tu portes des fruits? Parce que ton fruit identifie. Toute arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous devez poser des questions là. On parle comme ça des êtres humains. On est un être humain qui ne porte pas de bons fruits. Alors, quels sont les types de fruits que Dieu a donné de les chercher? Il demande quoi? Si vous n'avez pas ça, il dit, on va couper, jeter au feu. On parlait exactement de la destination. Vous allez vous trouver là, pour le chapitre 20. Cela se fait jugé d'après les œuvres. Mais pourtant, d'un autre côté, on dit, heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, car les œuvres les suivent. Donc, il y a une œuvre qu'ils ont faite, qui va les suivre là-bas. Et de l'autre côté, on dit, ceux-ci vont être jugés d'après les œuvres. Et si on dit, dans ce genre, on dit que vous voulez faire les œuvres de votre Père. Donc Dieu a son œuvre, que les saints vont pratiquer. Satan a ses œuvres qui veut faire que ses disciples appliquent. Vous devez savoir de quel vous êtes, dans quel côté vous êtes. 2 Jean chapitre 1. On finit là, on va là. Dans Romains chapitre 1. 2 Jean chapitre 1. Verset 8 dit. Regardez. Prenez garde à vous-même. afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre mais que vous recevez une pleine. Vous voyez ça, frère? C'est pour ça qu'il demandait d'entourer cela. Maintenant, il dit prenez garde. Donc, le fruit, les œuvres de la foi des saints est tellement précieux qu'on doit l'entourer par la mise en garde dans la Bible. C'est plein. Il dit prenez garde à vous-même. Vous-même, prenez garde à vous-même. De peur que quoi? Vous ne perdiez le fruit. De quoi, frère? De votre travail. Vous travaillez quoi? J'ai souffert sur la terre ici. Quand je suis né, ma mère est morte. Mon oncle m'a fait, j'ai souffert. Je me suis battu comme un lion. J'ai pu voyager pour Paris. J'ai trouvé le travail maintenant. Je suis en train de jouir du fruit de mon travail. Tu parles. Ceci n'a rien à voir avec tout, tout ce que vous parlez sur la terre. Parce que c'est les. Si c'est les traits enflammés des difficultés de la terre, tout le monde en passe, chacun à son degré. Vous comprenez, non? La nourriture qui chauffe en dans la bouche de chacun, ça brûle, mais le degré, c'est pas pour les... Il y a des gens qui sont entraînés, qui ont grandi dans les maisons où quand on met la nourriture chauffée, il y a intérêt à manger. Vous savez? Je vous ai raconté ces choses-là ici, comme j'étais avec des gens dans la maison où ceux-là, ils ne sont pas servis le congélateur dans la gorge. On servait du couscous ici comme ça. Le couscous avait du manioc. Quand ça chauffe là, vous coupez ça colle. Il y a des sauces, il y a la sauce ici, il y a le couscous ici. Vous savez, j'avais ces choses ici. Vous coupez un. Quand il coupe le couscous, ça me brûle d'abord la main. Le temps qu'il fait, quelqu'un a coupé trois fois la balle. Vous avez la même nourriture. Ah, je prends le couscous, je mets dans la sauce, je fais pour que ça se refroidisse un peu, pour qu'il puisse mettre, j'avale. Pendant que celui qui est devant toi te regarde dans les yeux, il coupe deux, trois, quatre fois. Je me tourne, je ne vois pas, il n'y a pas de solution. Le couscous est en train d'avancer, c'est en train de diminuer. Mais il y avait une chose que Dieu m'avait donnée, c'est la course au pied. Donc j'avais au moins la course. Il savait que si je coupe, personne ne peut m'arrêter. J'ai regardé le couscous, je regarde la sauce. Souvenez-vous de ceci. Ça, c'est quand j'étais petit, on n'allait pas dire que le pasteur aimait le couscous. J'ai porté la sauce. Il est sur le couscous là-bas. Ah! C'est la course maintenant entre la sauce et le couscous. Vous savez, l'avantage de la sauce, c'est que c'est bon. Le couscous, on ne va pas manger ça gratuitement. J'ai couru avec la sauce comme ça. Je courais. Vous savez, les enfants là, ils rient. J'ai couru avec la sauce comme ça. Il me poussait, il ne peut pas m'arrêter. Il a emballé le couscous. Il a tapé le couscous, un couscous sur moi. C'est calé sur ma tête comme ça. En courant, j'ai enlevé le couscous sur ma tête. J'ai mis dans la sauce. En courant. Donc, il m'a donné un peu de couscous pour manger avec la sauce. C'est pour dire quoi, dans le monde aussi, vous avez des difficultés, chacun a son degré. Et chacun va goûter sa part. Amen. Et voilà, là, l'histoire vous arrive maintenant, on peut encore lire, n'est-ce pas? Donc ici, dans ces deux Jean chapitre 1, verset 8, il dit, prenez garde à vous-même, de peur que vous ne perdiez le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. On devrait se poser la question. On a dit qu'on prenne garde à quoi? À nous-mêmes. Pourquoi on devait prendre garde? Quand Jésus dit prendre garde, c'est parce qu'on écrit ça de la façon du trône pour dire prendre garde dans la Bible, vous devez réfléchir de quoi on en parle. Il dit de peur que vous ne perdiez le fruit de votre travail. C'est donc quoi le fruit de votre travail? Parce que votre fruit vous identifie. Mais que vous recevez une pleine récompense. Il dit donc ça autrement dans Apocalypse chapitre 14, verset 13. Et le désaffaire ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres les suivent. Donc ils ont une récompense pour les œuvres qu'ils ont fait ici. Quelles œuvres faisons-nous? Nous sommes son ouvrage. N'oubliez jamais ça. Éphésiens chapitre 2, verset 5. Dites-le. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Alors, mes frères, écoutez très attentivement. Regardez-moi maintenant. C'est ici dont le Saint-Esprit vous interpelle. Le Saint-Esprit vous appelle. Écoutez maintenant. N'écrivez pas. Regardez-moi. Je dis ici. Quand vous lisez votre Colossiens chapitre 3, verset 1 et 2, ce sont ces choses-ci que l'Esprit du Père a nous parlé. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Vous voyez cela? Affectionnez-vous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi dans la gloire avec lui. Donc, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Vous devez chercher ce à quoi vous devez vous appliquer sur la terre pour manifester la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas que je me trouve le travail, maintenant j'ai la voiture, j'ai trois voitures, je sors maintenant, je suis frère. Que le Seigneur envoie la gloire sur moi. Vous allez périr avec cela. C'est la corruption, cela. Écoutez encore, Éphésiens chapitre 1, verset 3, regardez. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Les bénédictions spirituelles se trouvent dans les lieux célestes, nous attendant, si nous sommes bénis dans le Christ Jésus. Dieu attend donc qu'on utilise ces bénédictions pour le glorifier sur la terre. Si vous portez du fruit, le Père les montrera encore davantage, afin que le Père soit glorifié dans le Fils, dit la Bible. On arrive. Des choses sont à notre disposition. Gardez-vous à l'esprit que vos œuvres vous identifient. Satan veut qu'on fasse son œuvre sur la terre, comme on a vu ici. Le Seigneur dit, vous voulez accomplir les œuvres de votre Père. Et il ne rate pas. Même s'ils sont conscients ou pas, Jésus lui a répété quand même. Mais le vrai problème, c'est que les œuvres du Père, de leur Père, sont de plusieurs catégories. Donc, tu peux tomber dans une œuvre sans t'en rendre compte. Il y a ceux qui sont dans le cadre religieux. Pendant qu'ils étaient comme ça, ceux qui étaient dans le cadre religieux, c'est de ceux qui Jésus-Christ parlait. Les héros et autres là-bas étaient dans le même cas. Mais ils ne font pas la même œuvre. Ils attendaient que finissez d'accomplir, vous nous donnez, on crucifie. Vous attendez ça, frère? Ok. Alors, Colossiens chapitre 3 vous dit verset 1 et 2 que vous vous affectionnez aux choses d'en haut. Il y a des choses en haut dont Dieu veut que nous venions à lui pour qu'il nous dresse dans la bannière de Christ afin que son œuvre, ses œuvres puissent s'accomplir en nous. Romains chapitre 1, verset 13. Romains, notez chapitre 1, verset 13. Notez le chapitre 7, verset 1 à 5. J'arrive. Vous y êtes. Chapitre 6, verset 11 à 22. On va lire doucement là maintenant. Dès qu'on va lire cela, on va s'arrêter. Dieu voulant. Maintenant, lisons le chapitre. Il dit Romains, non? Romains chapitre 1, lisons le verset 13, voir. Là, c'est l'apôtre Paul dit qu'il va aller en Rome des grands frères. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir. Afin, pourquoi voici le but pour lequel vous arrivez vers eux, n'est-ce pas? Afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Vous entendez ce qu'il a dit, frère? Parce que quelqu'un, par exemple, qui a souvent formé le projet pour aller à Rome, parce que les gens qui sont offerts, écoutez très attentivement, quand les païens sont offerts, quand ils gagnent quoi, quittant le péché pour venir, on les parle comme, en les présentant comme une offrande de bonne adhérence, une offrande agréable à l'Éternel. C'est ce que la Bible appelait là-bas, une affaire dans l'Ancien Testament. Quand on l'a jeté à gauche et à droite, on dit une offrande d'agréable à l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, lorsque quelqu'un quitte le monde du païen pour être autre, lavé par le sang du Seigneur Jésus-Christ, présenté à Dieu, on dit que c'est une offrande qui lui est agréable. On parle donc de fruits. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens, il parle par exemple de l'autre qui était comme les prémices de l'Acaïe. Les prémices de l'Acaïe. Dans Jean chapitre 1, verset 18, il nous a engendré selon sa volonté afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Donc, les chrétiens sont des fruits. Tous les chrétiens ensemble sont le fruit produit par Christ à la croix. Vous entendez? Donc maintenant, nous aussi maintenant, les fruits doivent être manifestés dans nos vies. La prochaine séance, Dieu voulant, nous allons continuer la décision en développant cela. Donc, les versets que je vais vous donner là, vous les méditez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.